Madame Colin Technique. Bon. Bien, nous en étions à parler des choix, des canaux de distribution. Le choix le plus simple, c'est le canal ultra court. Ça veut dire que le producteur du produit ou du service s'adresse en direct au consommateur, au bénéficiaire du service. C'est typiquement ce qu'on va faire quand on est en train de vendre directement sa production ou ses services par les moyens de communication d'aujourd'hui. En e-commerce, par exemple, on va travailler en direct. Si on produit, on va travailler en direct à travers ces moyens-là vis-à-vis du consommateur. Ça a des avantages, ça a des inconvénients aussi. Ça n'est pas si facile que ça pour un producteur d'être aussi un vendeur en direct sur Internet. Mais ça ouvre parfois des marchés qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre. Le schéma le plus courant, c'est le schéma court, c'est-à-dire avec un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc vous avez, quand Ferrero produit votre Nutella, il le vend à Deleuze ou à Colruyt, qui vous le vend à vous. Circuit court, on a un seul intermédiaire, c'est relativement simple. On pense avoir de cette manière un bon contrôle du circuit et un bon contrôle de la communication. Toutefois, on n'a qu'un contrôle partiel de la communication. Si Deleuze décide de lancer un produit concurrent disant « Ah, mais moi je le fais sans huile de palme », eh bien, vous êtes un peu ennuyé. Deleuze ou Colruyt ou Cora décide de le vendre votre produit que vous estimez un produit haut de gamme qui ne devrait pas être vendu à moins de 3,99€, s'il décide tout à coup de le mettre en promo à 2,59€, ben, votre pricing policy, elle est complètement fichue en l'air, évidemment. Et donc, vous ne maîtrisez plus tout à fait le positionnement de votre produit. En outre, il faut se rendre compte que l'intermédiaire, en particulier s'il est puissant, va exiger de vous un certain nombre de choses qui ne sont pas nécessairement faciles à rencontrer. Par exemple, voilà, je vais vous citer le cas d'une petite, toute petite entreprise, c'est une petite PME qui importe en Belgique, c'est un circuit donc plutôt long. Là, puisque le producteur se trouve en Allemagne, il fabrique des produits sans gluten. Okay. Des barres vitaminées sans gluten, des pains sans gluten, des tas de choses sans gluten, qui est un produit fort demandé aujourd'hui. Et donc voici un importateur, une petite entreprise, qui décide de s'adresser à la grande distribution pour commercialiser en grande distribution ces produits-là. Avec une gamme assez étendue, heureusement pour elle. Eh bien, première chose que va demander la grande distribution, c'est « Ouais, votre produit m'intéresse, parce que c'est trendy, c'est fort demandé par la clientèle, donc je vais prendre ça en assortiment. Donc, je vais commencer par vous demander 10 000 euros de droit d'enregistrement de votre référence dans nos systèmes. » Par référence, c'est-à-dire par produit. Vous avez un petit pain sans gluten, c'est une référence. Un grand pain sans gluten, c'est une autre référence. Une barre vitaminée au chocolat, c'est une référence. Une barre vitaminée au raisin, c'est une autre référence. Et donc, à chaque fois, c'est 10 000 euros de droit d'entrée. Ben, il faut pouvoir résister à ça. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit à propos de Jones Blair, que pourrait être dans les rayons, ça n'allait pas être facile. Et effectivement, ça n'est pas facile. Il faudra donc faire de la promo push aussi. Il va falloir s'assurer que le distributeur, l'intermédiaire, veut bien jouer avec vous. Et si par exemple vous êtes Volkswagen et que vous vous adressez à un concessionnaire de voitures en Belgique qui s'appelle Cardoon, ben Cardoon, lui, il vend aussi des Fiat, et aussi des Opel, et aussi des Porsche, et aussi des Mitsubishi, et aussi des Hyundai. Et donc, quel est l'effort qu'il va faire par rapport à ma marque s'il est multicarte. Donc, il y a des désavantages aussi. En outre, si le distributeur est suffisamment puissant, il va vous demander des délais de paiement. En fait, la grande distribution, c'est essentiellement là-dessus qu'elle vit. Elle reçoit l'argent cash, comptant, de la part de ses clients, et elle paye ses fournisseurs à 3-4 mois de délai. Hein, si vous analysez les états financiers de Carrefour Belgium, par exemple, vous constatez qu'ils payent environ à 130 jours leur facture fournisseur. Ce qui veut dire que le fournisseur a déjà tout payé, y compris le transport pour amener ça chez le distributeur, y compris la TVA, parce qu'il paye la TVA tous les mois, sur sa propre facture, et voilà qu'il n'est payé que dans 4 mois. Ça fait mal à la trésorerie, vous devez emprunter de l'argent pour pouvoir compenser cette absence de cash qui se trouve dans votre trésorerie, et emprunter de l'argent, ça coûte cher. Aujourd'hui, moins cher, puisque les taux d'intérêt sont relativement bas, mais quand vous avez des taux d'intérêt qui sont élevés, ça peut vous coûter, par exemple, 1,5% par mois que vous perdez sur la valeur de ce que vous faites comme chiffre d'affaires, ou comme marge. Aussi, vous aurez à gérer votre portefeuille client. Si vous avez une nouveauté, ben justement, la barre vitaminée au raisin qui est nouvelle, je vais la lancer cette année, donc je vais la proposer à mon acheteur de lait, qui me dit, d'accord, je la prends, mais je veux 3 mois d'exclusivité avant que les autres l'aient. Bon, ben alors quand je vais chez Colroy, il va me dire comment ça se fait que Deleuze a une barre vitaminée au raisin, il ne prend pas. Ah ben je lui ai promis l'exclusivité, ah ben moi je veux une autre exclusivité alors, hein. Etc., etc. Donc vous devez moyenner, accepter une promo avec l'un et avec l'autre aussi alors. Et donc vous maîtrisez beaucoup moins que l'on le pense. Votre positionnement, sauf si vous êtes vous-même le roi du monde, si vous êtes vous-même Procter & Gamble ou Coca-Cola, là, la discussion devient un petit peu plus équilibrée. Ok ? Alors, le circuit long, c'est quand il y a deux intermédiaires. Souvent, un importateur et qui lui-même vend au distributeur. Alors ça, c'est sympa pour le producteur, parce que si, prenons qu'il y a VOE, justement, c'est comme ça que VOE travaille, VOE a un importateur en Belgique pour toutes ses marques, et il y en a beaucoup, hein, sous les marques VOE, qui peuvent nommer toutes les marques qui dépendent du groupe VOE, Volkswagen. Pardon ? Skoda, absolument, oui. Fiat, pardon ? Seat, oui. Porsche, oui. Audi, oui. Bentley. Bentley, absolument. Et il y en a encore un, au moins. Lamborghini. C'est pas fort connu, évidemment, mais donc Bentley et Lamborghini, c'est aussi Volkswagen. Alors Volkswagen fabrique à Stuttgart. Notamment, hein. Fabrique aussi ici à Forêt, certaines choses, mais vous avez Volkswagen qui veut attaquer le marché belge. Ben, c'est très facile, il s'adresse à un interlocuteur, il s'adresse au groupe D-Train, et le groupe D-Train fait un contrat pour X années, et donc voilà que Volkswagen est certain d'avoir un bon distributeur, donc il négocie avec une seule entreprise. Les frais commerciaux sont évidemment limités. Et puis on le fidélise par contrat. Et puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à 3 ans de distance, on peut déjà dire, bon, ben écoutez, on va produire 250 000 Audi A1 à Forêt. Chez vous, D-Train, vous en prendrez 175 000. Donc on sait déjà que dans 3 ans, D-Train va acheter 175 000 Audi A1, ce qui permet de fluidifier évidemment la production et de mieux la planifier. Par contre, pour trouver un distributeur qui soit aussi bon que D-Train, faudra pas les amener. Hein. Très bon distributeur, importateur, mais je sais pas, d'essayer de pénétrer un nouveau pays, avoir d'en trouver un qui ait une assise aussi forte, une réputation aussi bonne, des moyens financiers aussi excellents, de l'initiative, la capacité de marketer sur le marché local, parce qu'ils connaissent bien le marché local et qu'il est capable de parler dans les deux langues, et qu'il est capable de dire « Ok, je m'engage à vendre les 175 000 Audi A1 que tu me proposes », il faut déjà qu'il soit costaud. Hein. Et donc, c'est pas facile de trouver un très bon distributeur. Et puis, qui va s'occuper de la communication avec le consommateur? Ben, c'est lui. Donc, espérons qu'il le fasse bien. En l'occurrence, il n'y a pas de problème avec Nissan, mais de nouveau, ce ne sera pas toujours le cas. Il va falloir qu'il fasse un marketing qui soit correct. Par exemple, quand on a un problème au niveau mondial avec un problème de tricherie sur les softwares de mesure de consommation et d'émissions de CO2, comment agit le distributeur local sur le plan de la communication? J'ai trouvé, moi, absolument extraordinaire la manière dont Vitrain a réagi, en attaquant même sa propre maison mère, enfin, c'est pas sa maison mère qui ne lui appartient pas, mais son propre fournisseur, en disant « Nous, on a décidé de jouer franc jeu et on va être très transparent. » Et ils ont été depuis le début, donc, chapeau. Mais ils auraient très bien pu tomber sur des gens qui auraient dit des choses qui auraient fait plonger le marché de VW en Belgique. Paradoxalement, VW ne s'est jamais aussi bien vendu en Belgique. Malgré le problème de... C'est quand même une grosse casserole à leur queue de cette problématique de mensonge sur les émissions de CO2. Monsieur, oui. Ça marche aussi dans le sens côté exportation. Par exemple, le cargo, c'est un important endroit pour importer et exporter des produits pharmaceutiques. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous parlez tout à l'heure des distributeurs, il existe des compagnies aériennes cargo qui sont spécialisées pour transporter. D'accord, c'est pas ça que j'appelle un intermédiaire, ça c'est un prestataire de service. C'est un prestataire de service, jamais il n'est propriétaire de la marchandise. C'est un prestataire de service, c'est un transporteur. Si vous déménagez de l'avenue de l'université vers la chaussée de Boundal, vous faites appel à un déménageur. Le déménageur ne possède pas vos meubles. Hein. Par contre, les entreprises. Ça n'est pas un intermédiaire, c'est un prestataire de service. Par contre, les entreprises pharmaceutiques qui ont un droit de cargo, eux, ce sont des distributeurs. Je ne sais pas, je ne les connais pas, je l'ai dit, mais vous aurez en Belgique, par exemple, le système est. Régulièrement comme ceci, vous avez le producteur de produits médicamenteux, Sanofi, qui vend à un distributeur répartiteur, un grossiste en fait, qui stocke. Donc il y a une vente entre les deux, transmission de propriété, okay, avec prise de marge, et le grossiste répartiteur, prenons Pharma Belgium, distribue lui aux pharmaciens, livrés deux fois par jour, qui eux vous vendent à vous. Donc là, effectivement, on a un circuit long, à cause du grossiste répartiteur. Mais il faut bien évidemment s'imaginer que quand Sanofi vend à un grossiste répartiteur qui prend sa marge, qui lui-même vend au pharmacien qui prend sa marge, qui vous vend à vous, ben, clairement, le producteur. Il a moins de marge dans sa poche puisqu'il y a deux personnes à rémunérer dans la filière. Okay? Alors typiquement aujourd'hui, comme nous sommes dans la plupart des cas dans les marchés mûrs, c'est-à-dire des marchés où il y a pléthore d'offres pour une demande qui plafonne, qu'est-ce qui se passe? Ben, on baisse les prix. Vous avez vu la polémique quand on a imaginé ce qui se passait dans chaque phase de vie, du cycle de vie d'un produit. On est en phase de maturité, pléthore d'offres, les prix diminuent. Et quand les prix diminuent, ben, la marge brute diminue. Et il y a un moment où la marge brute devient tellement petite qu'elle ne permet plus de rémunérer un intermédiaire en plus. Et typiquement, on va voir apparaître dans le monde de la pharmacie le même phénomène que dans pas mal d'autres produits de grande consommation. Il y a un intermédiaire qui va sauter. C'est-à-dire que, ou bien le producteur va tâcher de vendre directement au consommateur, ou bien il va se passer du grossiste répartiteur et il va vendre directement au pharmacien, ou bien il va se passer du pharmacien et il va vendre du grossiste au consommateur. On va avoir un des intermédiaires qui va sauter, c'est pratiquement certain, dans les 15 ans qui viennent. Ah oui, parce qu'on travaille à long terme. Donc la marge est moindre, parce qu'il faut rémunérer les intermédiaires, évidemment. Et un intermédiaire, ça prend combien? Alors c'est assez variable. On a parlé la fois dernière de commission pour les vendeurs. On a aussi dit qu'un agent commercial, c'est-à-dire quelqu'un qui vous dégote un client, et puis après vous vous démerdez avec le client, lui il va toucher entre 5 et 8% pour rémunérer cette mise en contact. Mais un intermédiaire distributeur qui doit stocker, qui doit faire le marketing, qui doit faire la vente auprès du client suivant dans la filière, lui, il va demander au minimum 20-25%, au minimum. Alors quand vous ajoutez les 20-25% dans toute la filière, et que vous avez des filières longues, comme par exemple la filière de la viande, elle est extrêmement longue. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez, je vais en parler après, quand vous avez les filières longues, si chaque intermédiaire prend 20-25%, eh bien, avec un prix de départ producteur de 10 cents le litre de lait, par exemple, ben vous arrivez à un prix chez Deleuze à 1,10€ le litre de lait. Et on se demande où est passé tout ce pognon. Il n'est pas chez les producteurs qui n'ont rien reçu, mais il est chez tous les intermédiaires qui ont chaque fois pris une marge pour la valeur ajoutée qu'ils apportent. La valeur ajoutée qui consiste à faire quoi? Ben, j'ai mis du lait dans des grandes jarres ou carrément dans une citerne. Je dois d'abord les passer à haute température pour couper le développement des bactéries et des microbes. Puis, je dois écrémer. Je ne sais plus dans quel ordre se fait l'un et l'autre. Je dois écrémer. Parfois, je dois transformer certaines choses. Je dois rajouter du sucre ou rajouter de l'eau, peut-être, ou des produits conservants. Et puis, je dois emballer. J'ai des citernes de 2 tonnes de lait. Ou 10 tonnes de lait ou 20 tonnes de lait, et je dois les mettre dans une bouteille d'un demi-litre. Je paye ma bouteille, je paye l'étiquetage, je paye la mise en bouteille, et puis je dois les mettre sous plastique, et après je dois les livrer chez Deleuze ou chez Colruy. Ce qui fait que j'ai une valeur ajoutée pour laquelle je dois percevoir une marge. Et donc, plus le circuit est long, plus vous avez des marges qui se cumulent les unes aux autres, et plus il y a un écart entre le prix ex-producteur et le prix sur le marché. Ce qui explique les grosses discussions qu'il y a à propos de l'observatoire des prix et du fait que les producteurs sont mal rémunérés, ce qui est tout à fait vrai. Ce qui est tout à fait vrai quand ils sont petits. Et donc, comme ils sont rémunérés très très très très peu, ben, ils veulent devenir très très très très gros. Comme ça, on compense par des volumes l'absence de rémunération du producteur. Il y a des circuits ultra longs. Je vous ai parlé du circuit de la viande. C'est assez typique. Vous avez donc un producteur de blanc bleu belge qui élève de ses bestiaux dans son pré. Enfin, le blanc bleu belge n'est jamais dans le pré. Le prochain, élevé dans le pré. Il est élevé en étable et il reçoit de la bouffe industrielle, hein, des tourteaux de soja, transgénique, etc. Et donc, ça, c'est son boulot. faire grossir une pièce qui est déjà grosse au départ, puisqu'elle naît uniquement par césarienne. D'ailleurs, on ne fait même plus de césarienne, il y a une tirette. On ouvre le ventre de la vache et on peut sortir le veau. Je caricature à peine. Et donc, cet animal-là, il y a un maquignon qui vient et qui dit au producteur, « Ok, cette bête-là, je prends. » Elle me paraît bien formée, cette bête-là je prends et cette bête-là je prends. Je prends ces trois bêtes-là, on les met dans ma bétaillère et top là, parfois il y a une facture, hein, top là, je te paye, à votre avis combien on paye le producteur de viande, enfin, d'animaux. Vous avez une idée? C'est dans la presse, hein. Allez, citez-moi des chiffres, histoire de voir si vous êtes bon. Pardon ? 500 euros la baisse, c'est probablement un peu plus. Hein, probablement un peu plus. On paye de l'ordre de 2-3 euros le kilo. Attention, dans un kilo de bête, il y a des nerfs, il y a des cornes, il y a des viscères, il y a de la peau et il y a des os. Hein. Donc tout n'est pas mangeable. Hein. 3 euros. Puis le maquignon amène la bête à l'abattage et il la vend à un abattoir qui abat la bête, qui l'éviscère, qui lui enlève la peau, les cornes et qui la coupe en deux ainsi. Et il les vend à un grossiste. Le grossiste va souvent encore couper la bête en quart de bête, ok, et à ce moment-là, il est prêt à livrer soit directement à, par exemple, à votre Deleuze favori, soit à, par exemple, une société comme Viandro, qui va, elle, débiter la bête en muscles. Ce qu'on mange, c'est les muscles, d'accord. Et donc, sur un quart de la bête, un demi-arrière-train, donc un quart de bête, un demi-arrière-train, on va prendre le gîte à la noix, on va prendre la tache noire, on va prendre le rhum steak, on va prendre la petite tête, etc., qu'on doit encore peler. Mais ça, c'est le boucher qui le fera. Et on emballe donc le muscle sous vide et on le livre au boucher. Et tout ça se passe en une semaine. Donc c'est vous dire, ça va extrêmement vite et mais c'est un circuit ultra long. Alors imaginez-vous qu'à chaque étape, chacun prend sa marge. C'est ce qui explique qu'une bête qui est vendue à 3 euros le kilo départ producteur va se retrouver dans votre assiette sous forme de steak catégorie 2 à 15 euros, 18 euros 99 le kilo. Parce que chaque fois, chacun prend sa part. Ok ? Mais à chaque fois, il y a de la perte, évidemment. Hein. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont vite, surtout avec le blanc bleu belge. Le blanc bleu belge, il est tellement plein d'eau que si vous le laissez traîner dans un frigo pendant plus de 10 jours, il va perdre à peu près 10% de son poids. Ce qui veut dire que vous avez payé pour 400 kilos de pièces et il en reste déjà plus de 360. Ah, ça bon, c'est pas mal comme ça, évidemment. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vend le blanc bleu belge beaucoup trop vite parce qu'il ne tiendrait pas à la dessiccation et à la déshydratation. Parce qu'il est trop plein d'eau. Ce qui n'est pas le cas avec de l'Angus ou de la Limousine ou de choses. Et puis il y a des distributions multicircuits. Souvent, quand le produit est très mûr, quand le produit il est plein de concurrents et que la marge est faible, eh bien on essaye de se faire sûrement des petites marges, mais sur des volumes qu'on espère très grands. Donc on va essayer de multiplier les canaux de distribution et on va dire je vais vendre mon produit dans la grande distribution, mais aussi dans la petite distribution, et aussi dans les gares, et aussi dans les papeteries, et aussi dans les librairies, et aussi dans des machines à distributeurs automatiques, et aussi sur Internet en direct, Comme ça, je suis certain de couvrir un marché très large et de faire des volumes qui me permettent, avec des petites marges, de faire quand même de bonnes affaires. Distribution multicircuit. Alors, c'est très important, le circuit de distribution qu'on choisit, parce que ça fait partie de la perception que va avoir le consommateur ou le client de ma marque. Comme je vous l'ai dit, si je vends au travers d'une pharmacie, ben ça veut dire que mon produit a des caractéristiques santé particulières, qu'il a des bienfaits, des avantages à caractère santé ou médicaux ou bien-être qui sont testés en laboratoire. Ça me donne en tout cas une perception du produit complètement différente de celle que j'aurai pour un même shampoing si je l'achète en grande distribution dans un flacon de 250 ml de couleur rouge pétant. Le canal de distribution utilisé induit une image perçue qui peut très fort changer. Alors c'est clair que si je le vends chez Aldi, il ne sera pas au même prix que si je le vends en pharmacie. Donc en fonction du canal de distribution, je vais devoir changer mon prix. En fonction du canal de distribution, je vais devoir changer le type de promo que je fais. Si je le vends chez un pharmacien, je vais devoir dire « Oh, soignez votre cuir chevelu et évitez les déformations. » Tandis que si je le vends en grande distribution ou chez Aldi, je peux dire « C'est le moins cher. Okay » Le produit va donc être différent aussi sur son apparence, sur son packaging, sur peut-être son niveau de qualité. Hein, peut-être qu'il sera plus dilué chez Aldi qu'il ne l'est en pharmacie. Donc je vais devoir aussi changer le produit. Si j'utilise des personnes pour vendre mon produit, que ce soit des vendeurs ou que ce soit des icônes dans ma publicité, ben pour vendre de la poudre à lessiver, je vais utiliser la mère Marie qui enseigne ses vieilles recettes de nettoyage du blanc à la petite fille. Je ne vais pas utiliser Naomi Campbell ou Kim Kardashian. Par contre, si je vends du cosmétique, je vais et que je le vends plutôt en boutique de parfumerie de luxe, là je vais utiliser Eva Longoria parce qu'elle le vaut bien. Et donc, je vais utiliser des personnes différentes en fonction du canal que je vais utiliser. Et le niveau de service va varier aussi. Vous savez qui est le plus gros vendeur d'ordinateurs en Allemagne ? Vous avez une idée ? Pardon ? Tu connais Packer ? Non. Mais c'est pas tellement au producteur que je pense, c'est au distributeur. Le magasin qui vend le plus gros paquet d'ordinateurs, ben c'est Aldi. C'est Aldi qui vend le plus d'ordinateurs en Allemagne. Vous vous rendez compte? Comment on assure le service après-vente? Si jamais ça foire, c'est pas la caissière d'Aldi qui va vous aider. Hein. Donc, il faut que je trouve un autre moyen, si je vends des ordinateurs via Aldi, il faut que je trouve un autre moyen de satisfaire la notion de service après-vente auprès du client. Monsieur, oui, oui. S'il vous plaît, à chaque étape de distribution, est-ce que la TVA est vigilante? Alors oui, la TVA apparaît sur la facture à chaque étape de la distribution, mais comme elle est perçue par celui qui vend et donnée à l'État, ça n'impacte pas sa marge. Le suivant, il paye la TVA, mais il la récupère de l'État. Donc ça n'impacte pas sa marge. Et puis celui-là, il le vend au consommateur final, qui paye la TVA, que le distributeur rend à l'État, donc ça n'impacte pas la marge du distributeur. En fait, le seul qui paye réellement la TVA, c'est le client final. Ça pompe dans votre marge à vous. Donc la TVA est un impôt à la consommation, très clairement. Elle est comptée à chaque intermédiaire, mais chaque intermédiaire la perçoit, la donne à l'État, ou la récupère si c'est lui qui l'a payé. Donc pour eux, c'est jeu blanc. Le seul pour lequel ça n'est pas jeu blanc, c'est le consommateur. Ok ? Bonne question. Vous avez compris ma réponse ? Oui, c'est clair pour tout le monde ? Donc, la TVA, ça n'est pas du chiffre d'affaires. C'est une taxe qui finira par être payée ultimement par le consommateur final, qu'on perçoit à chaque transaction et qui est redonnée à l'État. Donc ça n'est pas du chiffre d'affaires, ça n'appartient qu'à l'État. Et pourquoi il ne l'a fait pas payer à la fin ? Comme les taxes à la vente aux États-Unis, si vous achetez un ordinateur aux États-Unis, il va être marqué, je ne sais pas, 1 000 $. Mais en fait, quand vous passez à la caisse, vous payez 1 200 $. Parce que vous payez les sales taxes. OK ? On aurait pu utiliser ce système-là. Ben, les États européens sont plus malins. Ils perçoivent beaucoup plus tôt cette taxe. Peut-être un an avant. Et donc, ils se mettent de l'argent dans la fouille beaucoup plus tôt qu'aux États-Unis. Alors, on va avoir un circuit qui va s'allonger, il va y avoir plus d'intermédiaires dans certains cas, quand, par exemple, vos frais de transport relatifs sont élevés, c'est-à-dire le transport, le coût du transport par rapport à la valeur du produit est trop élevé. Typiquement, vous allez avoir un intermédiaire de plus quand il faut aller au-delà, il faut vendre au-delà d'une journée de camion, typiquement. C'est à peu près ça la limite. Au-delà d'une journée de camion, les frais de transport vont être trop chers. Pourquoi ? Ben parce que payer 2 journées de camion pour une cargaison de biscuits, sur lesquels on fait une petite marge, vous allez pomper votre marge de cette manière-là. Parfois, les clients sont déjà fidèles à un réseau. Par exemple, si votre produit se veut un petit peu à connotation santé, comme par exemple des compléments alimentaires à base de magnésium, hein, pour se sentir du tonus, ou à base de vigne rouge, pour fluidifier le sang dans les guimauves et avoir des jambes plus légères. Hein, ce sont des compléments alimentaires. Donc on pourrait vendre ça dans les magasins d'alimentation. Oui. Sauf qu'en Belgique, quand on pense jambes lourdes, quand on pense digestion, quand on pense tonus, on pense à quel type de distribution ? Pharmacie, hein. Donc, vous êtes quasi obligé de passer par la pharmacie pour vendre ce genre de produit. Même si ce n'est pas obligatoire. Même si ce n'est pas considéré comme un médicament. Mais le client est déjà fidèle à son pharmacien pour tout ce qui concerne sa santé. Et donc, dès qu'il y a le mot santé derrière, il faut passer quasiment par la pharmacie. Aussi, quand le client final est méconnu, j'arrive. Beaucoup de Belges voudraient bien pénétrer la Chine avec le chocolat belge, évidemment. Mais il n'y en a pas un qui parle mandarin. Hein. Ni la langue de Shanghai, hein, qui est encore différente du mandarin. Ni la langue de Beijing, qui est encore différente du mandarin. Et donc, et en plus, ils se sont tous rendus compte que dans les pays asiatiques, on ne sait pas ce que c'est du chocolat. On n'en mange pas. On n'en mange pas, et si on en mange, c'est une petite bouchée, histoire de voir ce que c'est. Ils préfèrent les bonbons à base de des gâteaux de soja, par exemple, ou des gâteaux à base de sucre de canne, ou de sucre de coco, et des choses comme ça. Et le chocolat, c'est seulement maintenant qu'on commence à le connaître. Donc c'est très difficile à vendre en Chine. Très difficile. pareil au Vietnam, j'ai un, y a un exportateur belge comme ça, qui il produit même le cacao au Vietnam, parce qu'on peut produire du cacao au Vietnam, c'est un pays tout à fait propice pour ça. Et il essaye de le vendre au Vietnam, et ça a beaucoup de mal à, démarrer, parce que qu'il n'y a pas cette culture du chocolat qu'il y a chez nous et qui compte à quelques centaines d'années. Donc on ne connaît pas qui, en final, on ne parle pas sa langue. Dans ce cas-là, vous êtes un intermédiaire pour vendre hein, sur place. S'il y a un grand nombre de clients, la Chine, c'est un grand nombre de clients, et c'est un pays très étendu géographiquement, donc il va falloir avoir des distributeurs, peut-être même régionaux. Hein. Typiquement, pour pénétrer la France, par exemple, vous aurez un distributeur par région. La région PACA, la région Nord-Pas-de-Calais, hein, ou alors on dit quoi ? Les pays du Haut ? Le Haut-de-France, voilà, le Haut-de-France. Ce qui est amusant, c'est que nous, on est coincés entre le Haut-de-France et les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui sont au nord et le Haut-de-France qui est au sud, évidemment, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, typiquement en France, on travaille région par région. Et puis le circuit va se raccourcir, on va avoir moins d'intermédiaires. Ben, par exemple, quand le produit est très technique, très difficile à expliquer, j'ai un client comme ça, qui, de la région liégeoise, qui fabrique des chaudières de récupération de chaleur pour centrales de production d'énergie électrique. Et si je dois vous le redire, vous vous rendez compte que c'est vachement technique comme produit. Et que donc, on se parle d'ingénieur à ingénieur quand on vend ce genre de truc. Et donc, si vous devez passer par un intermédiaire, le temps que vous ayez fait comprendre à l'intermédiaire ce que vous voulez vendre, vous avez déjà perdu la vente. Et donc, il faut passer en direct dans ces cas-là. Et puis, on passe aussi en direct quand la marge est faible. Ah oui. Et c'est pour ça que souvent, sur l'e-commerce, vous voyez que les prix sont moindres que chez votre commerçant local favori. Bien sûr, il y a un intermédiaire de moins, donc il a une marge supplémentaire, mais ce con-là, il se la bouffe en vous donnant une réduction. C'est pas malin de sa part, à mon avis. Et en plus, ça fiche tout le marché en l'air, parce que tout le monde s'habitue à avoir, le shampoing, au lieu de l'avoir à 3,99, je peux l'avoir à 3,49. Ah oui, monsieur, il y a une différence, hein ? Ah oui, il y a une différence. Effectivement, il prend moins de marge au total. Mais en attendant, ça veut dire que le prix du marché, désormais, c'est 3,49. Et tout le monde fait moins de marge. Et qu'on s'étonne à ce moment-là qu'on doit virer 3 vendeurs. Ou qu'on doit fermer 15 magasins. Ben, c'est un peu ce qui se passe. Les circuits se raccourcissent et on bouffe la marge tout de suite en faisant des risques. Et puis vous aurez des canaux qui sont multipliés si le produit a plusieurs usages, par exemple du détergent domestique versus usage industriel, ben, ce ne sera pas le même produit, pas le même conditionnement, pas la même concentration. De l'huile de moteur pour votre jouet scalextrique, ça n'a pas la même utilisation, le même usage que de l'huile de moteur pour des centrales de production d'énergie électrique. Et quand le produit est à maturité, à ce moment-là aussi, on voit les canaux se multiplier. Vous allez devoir choisir donc votre canal de distribution. Ouais. Oui, vous vouliez poser une question là-haut. Oui. Je ne comprenais pas pourquoi quand les gens qui venaient à un réseau, par exemple, automatiquement les réseaux s'allongeaient. Ben, vous êtes obligé d'avoir ce distributeur. Vous pourriez essayer de vendre vos maniers caps et vos levures spéciale pour digestion et votre vigne rouge au travers du net, par exemple. Mais on va se dire, oui, mais c'est vraiment un bon produit, ça. Parce que si je l'achète sur le net, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Si c'est chez un pharmacien, c'est sûrement scientifiquement prouvé. Vous achèteriez cette, la petite pilule, non pas vous, enfin quoi que, la petite pilule bleue, là, bien connue, sur Internet. Et les gars, vous achèteriez la petite pilule bleue sur Internet? Non. Vous voyez de quoi je parle? Ou vous êtes déjà, vous, au Viazac? Vous connaissez le Viazac, hein? C'est une molécule qui est faite à la fois de Viagra et de Prozac. On ne bande toujours pas, mais on s'en fout. Et donc, la petite pilule bleue, l'acheter par Internet, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quelle est la garantie. D'abord, est-ce que ça va marcher? Et puis, est-ce que ça ne va pas provoquer des effets secondaires désagréables? Si jamais, ce n'est pas la vraie. Si c'est du tal qui est enrobé de couleur bleue, je risque des problèmes. Donc, voilà pourquoi je m'oblige à passer par un intermédiaire au lieu de vendre direct. Ouais. Attention, parce qu'il y a une autre pilule qui fait l'effet inverse, qui s'appelle le Pouscard. Ah, oh, d'accord. C'était la folie lourde. Ok. J'utilise régulièrement un case study comme ça, vous avez utilisé la case study Jones Blair. J'en ai une autre sur la mise sur le marché d'un médicament qui s'appelle Cialis, qui est le concurrent de Viagra et qui peut utiliser une toute autre technique de marketing. On n'en parle jamais, mais c'est le médicament le plus vendu pour cet usage-là. Parce qu'il ne travaille que par prescription et il n'a pas cherché à se faire une image au sein du public en la faisant en bleu, etc. Alors, vous voulez poser une question? Oui. Ben, c'est ce que tout le monde dit qu'il va faire. Et au final, les volumes ne suivent pas. Et donc, on y perd l'argent plutôt qu'à gagner. Bien sûr, c'est pour ça que tout le monde le fait. C'est parce qu'ils espèrent qu'il y ait élasticité immédiate. Je baisse mon prix, donc je vends plus. Mais ça, c'est la théorie, hein, les amis. Et dans la pratique, ça ne marche pas souvent comme ça. Hein. Déjà, il faut que les gens soient au courant. Deuxièmement, il faut que ça corresponde à votre image. Parce que si Deleuze baisse ses prix au même niveau que Colruyt, il ne va pas gagner un seul client chez Colruyt. Parce que les gens n'y croiront pas. Ils ont tellement lu que Deleuze était plus cher que Colruyt qu'ils n'y croient pas. Et donc, ils ont beau baisser leur prix et donc, effectivement, baisser leur marge, ils ne font pas un client de plus. Est-ce qu'il y a élasticité, vraiment? Pas réellement. Alors, par contre, si vous êtes sur des marchés publics, clairement, c'est celui qui a le prix plus bas qui gagne le marché, en principe. En principe. Pas toujours. Mais prenons l'exemple d'un théâtre. Est-ce que c'est parce que vous faites l'entrée à 1 euro que vous allez avoir plus de spectateurs? Pas forcément. Si la pièce est nulle à chier et mal jouée, vous n'allez pas en avoir beaucoup, hein. Il faut que le produit réponde quand même à certains critères. Et puis, un produit à 1 euro, par exemple, voilà, vous venez d'avoir un bébé et le médecin vous a recommandé de l'alimenter avec le lait Nutridon CH3. Vous voyez un équivalent du CH3, produit blanc, à 1 euro la boîte. Vous allez préférer celui-là? La santé de mon bébé, jamais. Jamais de compromis là-dessus. Donc, c'est pas parce qu'il est à 1 euro la boîte, alors que l'autre est peut-être à 6 ou 7 euros la boîte, que vous allez nécessairement acheter celui-là. D'accord? Donc, il n'y a pas toujours d'élasticité. Mais dans certains cas, bien. Dans certains cas, bien. Mais dites-vous aussi que quand vous achetez à bas prix, there is no such thing as a free lunch. Un repas gratuit, ça n'existe pas. Retenez un truc. Quand le produit ou le service est gratuit, le produit, le réel produit, c'est vous-même. Je répète. Quand le produit ou le service est gratuit, le réel produit, c'est vous. Quand vous téléchargez une application gratuite, le réel produit, c'est vous. Parce qu'on vous charge un cookie qui va vous observer, vous, et qui va vous balancer de la pub, et qui va vous balancer d'autres opportunités, et qui va vous regarder, savoir ce que vous faites, et vendre ces données-là à d'autres qui vont pouvoir les utiliser. Quand c'est gratuit, le produit, c'est vous. Retenez ça. Et donc, dites-vous aussi, quand vous achetez moins cher, que quelque part, vous pompez sur la marge de ceux qui font le boulot. Ah oui ? Et que peut-être demain, à cause de vous, il n'existera plus. Bah oui. Si vous préférez systématiquement acheter le moins cher, parlons de poulet. Je viens de voir quelques images. Voilà un cuistot de collectivité. Il travaille pour des écoles. Et il achète du poulet pour donner à manger aux enfants dans les écoles. Typiquement, on lui dit, t'as un budget de tout temps, hein, t'as intérêt à serrer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il achète du poulet à... Bon, il achète des blancs de poulet, donc c'est du poulet déjà travaillé, à 3 euros le kilo. Eh bien, moi, je peux vous dire, du poulet à 3 euros le kilo, c'est de la merde. Ça peut être élevé que avec des saloperies, en batterie, de manière dont vous ne voulez même pas avoir les images en tête, tellement ça peut être horrible. Et c'est bourré de flotte, bourré d'antibiotiques, mais ça coûte pas cher. Hein. Tu te rends compte? On peut avoir un repas pour le gosse à la cantine pour 1 euro par jour. Effectivement, à ce prix-là, il vous vend du poulet à 3 euros. Et il a décidé de faire, une fois par mois, un repas, on va l'appeler comme on veut, éthique, un repas producteur locaux, en gros. Et cette fois-là, il achète le poulet chez un bon producteur de poulets locaux qui fait bien son travail avec des poulets élevés en plein air et pas en batterie. Et qui sont tués au bout d'un certain temps et pas trop tôt, et qui ne sont pas poussés avec une alimentation hyper protéinée de façon à grossir très vite et peser lourd tout de suite. Eh bien, ce poulet-là, devinez combien il le paye? 17 euros le kilo. Donc, si vous payez 1 euro pour la cantine de votre gosse tous les jours, vous recevez du poulet à 3 euros le kilo. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir vous le faire à 1 euro s'il achète du poulet à 17 euros le kilo? Qui est 6 fois plus cher? Est-ce que vous acceptez de payer 6 euros pour le repas ce jour-là alors? Parce que c'est ça qu'il faudrait faire. Hein. Si vous voulez favoriser les producteurs locaux, les petits producteurs, les vrais qui font des vrais produits, ça devrait vous coûter 6 euros. Alors, nous sommes d'accord. Si ? Donc, il faut accepter de payer le prix de ce qu'on vend. Hein. Si vous cherchez toujours le prix le plus bas, ben, il y a des intermédiaires qui sautent et il y a de la qualité qui saute. C'est bon marché que c'est plein de contaminants, mais voilà toute la différence. si le consommateur ne se décide pas à payer le vrai prix des choses, il fait sauter des intermédiaires ou il fait baisser la qualité. Alors, on va devoir donc choisir le choix d'un distributeur en fonction du producteur. Ça va se faire selon sa capacité à bien distribuer sur le pays, selon sa capacité à assurer les volumes. Dupin sait le faire, un plus petit ne saurait peut-être pas le faire. En fonction de paramètres financiers, sa capacité en termes de fonds propres, les marges qu'il demande, sa capacité à investir en logistique ou à investir en stock. Tout ça dépendra d'un cas à un autre. Et puis, je vous donne encore, mais on les a déjà tous cités, quelques exemples dans les cas où on va aller en direct vers le consommateur ou bien où on va passer par des distributeurs intermédiaires. On a déjà parlé de la plupart de ces critères-là. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans des marchés mûrs, typiquement, on est multi-channel, multi-canal, parce qu'il faut vendre le plus de volume possible sur le plus grand nombre de canaux possible pour continuer à alimenter la machine. Sans ça, ce sont les autres qui bénéficieront des meilleures parts de marché. Et donc, on va utiliser des techniques beaucoup plus pointues de personnalisation. Je vais m'adresser en direct à vous, par exemple sous la forme d'un catalogue produit mensuel qui vous est donné par Google, parce qu'en fonction de ce que vous cherchez sur Internet tous les mois, je sais dire à peu près ce qui vous intéresse vous. Et donc, je peux aller chercher dans toutes les offres que j'ai sur mes circuits, les offres qui pourraient vous convenir. Donc, on peut personnaliser très très fort aujourd'hui les offres. On peut faire du retargeting, ça vous est tous arrivé, vous avez regardé quel est le prix d'un billet pour Prague, deux jours après, vous avez booking.com, qui n'est pas deux jours, dans l'après-midi, vous avez booking.com qui vous dit, tiens, Prague vous intéresse, voici quelques hôtels qui pourraient vous intéresser. Et puis le lendemain, il va vous proposer de nouveau quelque chose sur Prague, et puis le lendemain, il va encore, on va vous proposer des billets d'avion moins chers sur Prague. On sait que vous êtes intéressé par Prague, donc on fait du retargeting. Okay? Vous allez apprendre tout ça avec mes collègues de communication. On fait de la customisation de produits. Par exemple, voici votre muesli à vous, qui n'aimait pas les raisins secs et qui préférait les abricots secs. Et donc, dans votre muesli à vous, il y aura des abricots secs, et pas d'avoine, mais de l'orge. Puisque c'est ça que vous aimez, etc., etc. Bien sûr, tout ça nécessite la gestion de grosses banques de données et c'est un extraordinaire boulot aujourd'hui d'être une entreprise capable de détecter des profils dans la quantité énorme d'informations qu'on collecte tous les jours sur vous et sur moi aussi. Alors, il y a intérêt à être on et offline. Vous apprenez beaucoup plus online sur votre client que ce que vous n'apprenez quand il vient dans le magasin où il est un peu sur la défensive, les fesses serrées, et quand il passe devant le comptoir où il y a les vendeurs, il tourne le dos, histoire de ne pas se sentir entré dans la négociation, en fait. Mais quand vous êtes online, toutes ces barrières ne sont plus là et vous vous intéressez pour là. Donc, en toute logique, aujourd'hui, le bon vendeur, il devrait collecter online les informations sur vous. Et puis, quand vous entrez dans le point de vente, tiens, le voilà. Bonjour, monsieur Boffa, comment allez-vous depuis le 16 décembre 2015 que nous ne sommes pas vus? Comment vont les enfants? Ils ont fini l'université, je pense, hein? Ah, bien, bien, bien. Et ont-ils trouvé facilement du boulot? Oui, ah, ben j'en suis heureux pour eux et pour vous. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, monsieur Boffa, vous qui avez acheté la fois dernière une paire de chaussures de sport? Oh, elle doit être usée maintenant. Vous n'en voudriez pas une autre? La même marque que la fois dernière, peut-être? Footjoy, hein? Du 44,5, je pense. Hein? Aujourd'hui, on est capable de faire ça. Hein? On est capable de faire ça. Mais vous avez déjà entendu un vendeur qui vous le faisait? C'est Booking.com, Amazon, tous ces gens-là vous le font. Hein? Zalando, tous ces gens-là vous le font. Mais c'est toujours online. Alors, il y a un magasin qui fait ça aux États-Unis, ça s'appelle Neiman Marcus. Quelqu'un connaît Neiman Marcus? C'est assez normal, c'est pas vraiment dans vos budgets. Neiman Marcus, c'est un magasin super chic, super poche. Trump fréquente beaucoup. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez bling-bling. Hein, c'est just for the rich. Hein. Et quand vous entrez, votre numéro d'IP est détecté par les détecteurs et immédiatement, les vendeurs voient apparaître sur leur iPad votre bouille, puisque votre numéro d'IP est relié à votre bouille, puisque au travers de votre carte client, vous avez accepté que on vous traite comme un client fidèle. Vous avez coché, vous avez signé. Et donc, quand il entre, voilà, il a toutes ces informations sur son iPad et il est capable de s'adresser à vous de manière tout à fait personnalisée. Et bientôt, vous allez voir apparaître de l'augmented reality quand vous allez passer devant une tête de banque qui vend, je ne sais pas, une paire de chaussures dans le genre de celles que vous avez achetées la fois dernière. Ça va faire bip-bip sur votre smartphone. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir toute une projection de votre ancienne paire de bottes et voici la nouvelle qui pourrait vous courir. Voilà, les drives, c'est aussi une manière de, en France, de ne pas perdre ses clients quand les clients ont décidé de faire leur course sur Internet. Alors, ils font leur course sur Internet et ils viennent chercher leur course, non pas dans le magasin, mais dans une station à côté où on s'arrête avec sa voiture. On paye avec sa carte de crédit en fonction de la commande qui a été préparée. On s'installe à la place numéro 6 et il y a quelqu'un qui vient mettre vos courses dans votre coffre de voiture et vous pouvez repartir. Time spent, vous avez passé 6 minutes sur place et vous pouvez aller chercher les gosses avant que la crèche ne ferme. C'est pas bête, mais c'est pas rentable. C'est pas rentable pour le distributeur. Parce qu'il ne vous voit plus dans son magasin. Avec les gosses qui disent je veux de la mousse au chocolat que vous achetez. Là, vous n'en avez pas acheté puisque vous avez fait vos courses de manière purement rationnelle sur Internet. Et entre parenthèses, ça vous a pris quand même 25 minutes de les faire sur Internet. Hein. Donc vous avez passé à peu près le même temps sur Internet, mais c'est au frais du bureau, hein, souvent, que ce que vous passez en magasin. Des questions sur la distribution? Alors, je vous propose d'entamer notre chapitre suivant, qui est de parler de la manière de différencier par l'image. On est toujours dans notre démarche marketing. On est toujours à se doter d'une proposition marketing. Et à la communiquer. Alors, les techniques de communication, vous les verrez avec mes collègues spécialisés dans la matière. Hein, c'est des techniques opérationnelles. Ici, ce qu'on va voir, c'est comment on se crée une image. Comment on brief l'agence de communication avec un briefing stratégique pour lui dire, voilà ce que je veux que le client sente. Voilà ce que je veux que le client éprouve, voilà ce que je veux que le client ait de moi comme image dans sa tête. Donc on va travailler l'image. Alors les questions à se poser, c'est qui ma cible? Et souvent, on va décrire des personnages. Une persona, des personnages en latin. Ça veut dire quoi? C'est un profil. On essaye d'imager qui est le client cible? Est-ce que le client cible, c'est la femme active, sans enfant, entre 25 et 35 ans? Ou est-ce que c'est le retraité nanti avec petits-enfants et résidence secondaire? Alors typiquement, ce qu'on va faire, ben, on va faire un profil qui ressemble à une photo. Hein. On va prendre du... voici, c'est Julien. Julien travaille dans l'informatique. Il a une voiture, il est marié. Sa femme a une voiture aussi. Ils ont deux enfants, Ernest et Théodore, qui ont respectivement 4 ans et 10 ans. Julien travaille dans une boîte d'informatique. Sa femme travaille dans une institution publique. Ce qu'ils aiment, c'est partir en vacances avec les enfants. Ce qui est important pour eux dans la vie, c'est la durabilité, la protection de la planète. Julien et sa femme se payent des vacances 4 fois par an. Et ce qui les intéresse dans les vacances, c'est ni le prix, ni le confort, mais plutôt le dépaysement et l'abord de cultures différentes. Voilà la description d'une persona. Maintenant, chère agence, je veux qu'on me considère comme le tour opérateur le plus audacieux. Je suis le numéro 1 en audace. Ça, c'est mon positionnement. Allez, faites-moi quelque chose en communication avec ça. Donc, il faut d'abord qu'on ait bien décrit la cible à laquelle on s'adresse et que pour ça, il faut qu'on la connaisse vachement bien. Et donc, on remonte systématiquement, nécessairement, dans la démarche marketing, sur l'étude du marché. Hein. Quelles sont les solutions qu'on veut proposer? C'est des voyages tout faits ou juste des billets d'avion? Oui. Oui, par rapport à la persona, en fait, c'est la société qui doit, l'entreprise qui doit avoir une persona. C'est le producteur. C'est le producteur qui s'adresse à une agence de communication qui devrait avoir déterminé ça. Sinon, il oblige l'agence de communication à le faire. Mais alors, où est l'intention stratégique? En fait, l'agence de com, elle va vous faire ce qu'elle pense être bien. Elle est peut-être complètement à côté de la question, parce qu'elle ne vous connaît pas. Okay. Ou alors, elle va faire ce qui lui convient le mieux. Il se fait qu'elle a déjà 3 spots télé réservés sur RTL dans un mois, et qu'elle n'est pas encore parvenue à les fourguer, elle va tâcher de vous les fourguer. Hein. Et la personnage. Tout à fait. Donc c'est une espèce de carte d'identité, de portrait robot du client auquel on s'adresse. On fait un portrait robot comme si c'était une personne existante. Ça permet de mettre une image dans ceux auxquels on, avec lesquels on communique qui est beaucoup plus claire que de dire je vise la personne responsable des achats. Ok ? Quelles solutions donc? Est-ce que c'est des solutions all-include ou bien est-ce que c'est juste un hôtel que je vends? Et all-include, ça veut dire qui va s'occuper des gosses. Et all-include, ça veut dire qui va s'occuper des passeports. Et all-include, ça veut dire qui va s'occuper de venir vous chercher à l'aéroport ou vous mener à l'éco-lodge que vous avez choisi, qui ne se trouve pas au centre-ville, qui se trouve au fin fond d'une rizière, quelque part dans la région de Sapa, où il faut aller en 4x4. Ou bien vous y allez à pied par vos propres moyens? Qui s'occupe des bottes alors, pour marcher dans les rizières? Donc, quel type de solution on envisage? C'est même plus quel type de produit, c'est quelle solution? Et comment je communique cette solution? Ben, peut-être que si vous avez décidé de le faire vous-même, vous aurez sur votre smartphone toutes les 5 minutes quelqu'un qui vous dit « Maintenant, vous prenez à droite. Maintenant, vous prenez à gauche. Maintenant, vous vous arrêtez pour faire boire les enfants parce que sinon, après, il n'y a plus, etc. etc. » Comment vous allez vous différencier? Quels sont les gains que vous allez apporter aux clients? Les bienfaits, les avantages que vous allez apporter aux clients par rapport à tous les autres qui, eux, n'apportent pas ces avantages? Et quels sont les pains qu'on a avec tous les autres mais qu'on n'a pas avec vous? Les pains, c'est les emmerdes, quoi. Les soucis. Des problèmes, quoi. Et donc, moi, je suis différent des autres parce qu'avec moi, vous n'avez pas ces problèmes-là. Et quels sont les attributes, quels sont les facteurs tangibles qui le démontrent? Ben, par exemple, vous téléchargez une app sur votre smartphone et on vous suit tout au long du parcours. On vous suit tout au long du parcours et chaque fois que vous êtes à un endroit, on va vous dire ce qu'il y a de chouette à visiter à cet endroit-là, à qui vous pouvez vous adresser pour aller le visiter et dans quelle tenue il faut être pour aller le visiter, est-ce qu'il faut des cordes pour pouvoir se harnacher, est-ce qu'il faut des bottes, est-ce qu'il faut un casque, est-ce qu'il faut du comment on dit en français, du repellent. Un produit anti-moustique, est-ce qu'il faut des pilules contre la malaria? Attention, hein. Si vous êtes à Hanoï, vous n'en avez pas besoin, mais à Sapa, dans les rizières, vous avez peut-être besoin de Nivacine ou de choses comme ça. Hein. Et donc voilà, moi, mon attribut qui prouve que je fais une solution all-include, c'est cette application que vous avez sur votre smartphone. Et puis, quelle valeur? Ben, moi, mes valeurs, c'est les mêmes que vous, Julien. Durabilité. D'où le écologe. D'où le... Ah, le repellent qu'on vous suggère d'utiliser, c'est pas du DEET à base de DDT, hein, diméthyl diphényl trichloréthane. Hein. C'est un truc naturel, hein, à base de plantes. Pour faire vibrer quel corps humaine? Parce que quand vous voulez communiquer, faire un message avec une image, vous essayez de faire vibrer une corde humaine. Est-ce que c'est la corde humaine de « je fais partie du groupe » ou bien est-ce que c'est la corde humaine de la protection et de la rassurance? Ou bien est-ce que c'est la corde humaine du sexe? C'est une qui est fréquemment utilisée. Hein. Donc, quelle est la corde humaine que je cherche à faire vibrer? Et donc, qu'est-ce que je vais apporter? Alors, le nom que je vous cite là, Desmond Morris, c'est celui qui a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle The Naked Ape. The Naked Ape, le singe nu. Ça existe en français. Hein. Ça remonte aux années 70, je pense. 1970, oui. Et c'est un bouquin qui décrit l'être humain comme ce qu'il est, le descendant d'un singe, et qui remonte, vous vous rappelez, la pyramide de Maslow, hein, aux besoins les plus primaires, c'est ça les cordes sensibles, hein, la corde sensible du sexe, la corde sensible de la rassurance et de la protection, la corde sensible de l'appartenance à un groupe social, la corde sensible de la « je suis moi », hein, de l'égoïsme, ou de l'égocentrisme, si vous voulez, etc. Ça correspond un peu aux pyramides de Maslow, hein, aux étages de la pyramide de Maslow. Et il décrit ça, et c'est utilisé aujourd'hui en communication pour déterminer le type d'image que je veux mettre dans la tête du client. Alors typiquement, vous avez vu celle que le gars a utilisée pour le positionnement de son nœud SQL que je vous ai montré sur une photo. Ben, il a utilisé la corde sensible du sexe. Est-ce que c'est ça qu'il faut utiliser quand on veut se positionner en image pour vendre de l'eau en B2B à des entreprises qui cherchent à désintégrer leur personnel? Moi, je ne suis pas convaincu. Apparemment, eux, bien. Donc, voilà les questions qu'on doit se poser avant d'essayer de déterminer une image. Alors, moi, je suggère toujours d'essayer de se déterminer une image plus par de la valeur et de la qualité que par du prix. Mais si vous ne savez pas à quoi faire d'autre et que vous n'avez aucune imagination, alors faites comme tout le monde, hein, essayez de vous différencier par le prix. En n'oubliant jamais ce que je vous ai dit, c'est que se différencier par le prix, ça ne marche que si le marché est élastique, un, et deux, si vous avez une possibilité en termes de coût d'être le moins cher pendant plus longtemps que les autres. Mais si ces conditions-là ne sont pas rassemblées, vous n'avez peut-être pas intérêt à trouver. Bien sûr, pour pouvoir jouer la valeur, il faut connaître la manière dont le client cible attribue de la valeur. Et il y a quelqu'un qui est comme Julien sur des valeurs de durabilité et qui fréquente des écologes à pied dans le nord du Vietnam à Sapa, sa perception de la valeur, c'est pas de loger dans le même hôtel que Donald Trump. D'accord ? C'est pas bling-bling, ces valeurs. C'est pas le sentiment d'aboutissement parce que I'm on top. King of the world. King number one. Proud again. Non, sa valeur, c'est je participe à l'échange culturel avec des peuples que je ne connais pas et j'apprends ça à mes enfants auquel, pour le moment, j'emprunte la planète. En gros, si vous n'avez pas compris que votre client cible a ces valeurs-là, vous risquez d'être à côté de la plaque. Ajoutez des petits plus, du sur-mesure, qui augmente sa perception de la valeur. Ben oui, l'hôtel, c'est un éco-lodge. Ok ? Et alors, comme il vous a mis en main un attribute qui est une application sur smartphone, eh bien, il va vous permettre, pour vous déculpabiliser d'utiliser un smartphone au milieu des rizières à Sapa, dans le nord du Vietnam, il va vous permettre de recharger votre smartphone dans l'écologe en pédalant sur un vélo, par exemple. Là, c'est le petit plus sur mesure qui le fait vraiment. Si le produit est un produit de base, ben il va falloir faire du service ajouté, des petites choses en plus, pour vraiment se différencier. Et puis bien sûr, il faut partir des besoins exprimés par le marché. Si le marché n'a pas envie d'aller visiter le Vietnam, ce sera difficile de le convaincre. Et parfois, il ne sait pas encore qu'il le veut, hein. Qui sait ce qu'il y a à voir au Vietnam ? Vous êtes 120 ici, hein, ou 100, allez. Qui sait ce qu'il y a à voir au Vietnam ? Qui a envie d'aller au Vietnam ? Et pourquoi ? Dépaysement. Dépaysement. Ça, c'est garanti, ouais. Mais en quoi ? Parce qu'il y a des voitures aussi, au Vietnam. Non, et des embouteillages aussi. C'est une culture complètement différente de la nôtre. Ils ont une manière de, ouais, d'être entre eux. Oui, tout à fait. Beaucoup, mais en quoi ? Et où ? Et est-ce qu'il faut aller plutôt dans le sud ou dans le nord ? Tiens, est-ce qu'il y a un sud et un nord dans ce pays ? Oui, ça, on l'a appris. C'est peut-être la seule chose qu'on sait du Vietnam. Il y a eu la guerre. Et le Nord se battait contre le Sud. Quelque chose comme ça. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Vous avez entendu parler de la baie d'Along ? Vous avez entendu parler du village dont je viens de vous parler, Sapa ? Vous avez entendu parler de Hoi An ? Ou de Nha Trang ? Mais qu'est-ce qu'on fait à Nha Trang ? La ville ouest, Il y avait la ville de Huvet. Il y avait, effectivement, parce qu'elle était vachement détruite. Et qu'est-ce qu'il y a à voir à Huvet? On ne sait pas. Donc, vous voyez, vous n'avez pas le besoin. Donc, il faut que quelqu'un vous amène à ce besoin. Il faut qu'on vous l'explique. Alors, si on avait fait... Dans bien des cas, il vaut mieux pas écouter le client. Si Steve Jobs avait été descendu dans la rue à Palo Alto, plutôt à Cupertino, à côté de Palo Alto, à côté de l'université de Stanford, donc il sortait en Californie, et il avait dit aux gens, dites, si je vous produis un truc, ça ressemble à une grosse machine à écrire, puis devant, il y a un écran de télé, hein, et avec ça, vous allez pouvoir faire le budget du ménage. Ça vous intéresse? Vous êtes prêts à mettre combien? On n'aurait jamais inventé l'ordinateur personnel. Donc, les gens ne savent pas qu'ils veulent. Est-ce qu'il faut construire un nouveau pont autour du. Au-dessus de l'Escaut à Anvers? Si vous demandez aux gens, non. Hein. Est-ce qu'il fallait un jour inventer la voiture? Si vous avez demandé aux gens à l'époque, tiens. Et si je vous proposais un truc qui vous permet d'aller plus rapidement de Paris à Lyon, à quoi les gens auraient pensé? À une voiture? Non, ils auraient pensé, je sais pas, à un cheval plus rapide que les autres. Mais c'est tout. Une voiture, ils n'y auraient jamais pensé. Hein. Donc, parfois, le besoin n'est pas exprimé par le marché. Et il faut être visionnaire pour voir ce que le marché... pourrait l'utiliser dans le futur. Ça, c'est le fait des génies. Et il n'y en a pas des masses. Mais donc, il faut vraiment beaucoup connaître son client cible, et on utilise des outils comme celui-ci, hein, c'est un empathy map. Quels sont les envies, les besoins? Comment va-t-il dire « Ouais, ça c'est un bon produit ». À partir de quel moment? Ou quelles sont les frustrations qu'il a pour le moment, les obstacles à l'achat? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Du genre, j'emprunte la planète à mes enfants. Tout le monde ne pense pas comme ça. Trump, il n'en a rien à s'y faire. Qu'est-ce qu'il entend? Il entend tous les jours qu'il ne faut pas polluer la couche d'ozone. Et qu'est-ce qu'il voit? Tous les jours, il voit des embouteillages avec dans chaque voiture une personne. Qu'est-ce qu'il dit alors? Il dit, c'est vraiment désagréable. Pour aller arriver à l'UNIF maintenant, il me faut une heure avec des embouteillages. Ça, il dit. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, qui vient en voiture? Rien, peut-être. Où est-ce qu'il décide de venir à vélo? Et donc, dans la perspective du client, je manifeste de l'empathie, je m'intéresse à ce qu'il voit, ce qu'il pense. Comment on va savoir tout ça? Remontons dans le canevas, c'est en faisant des études de marché de nouveau. En lui parlant, en lui posant des questions, en l'observant, en le filmant parfois. Et alors, on va pouvoir décrire ce qu'il fait pour acheter. Est-ce qu'il va sur Internet d'abord pour se documenter? Auquel cas, peut-être que notre communication d'image, c'est par Internet qu'il faudrait le faire. Quels sont les gains qu'il espère, les avantages qu'il espère? C'est en termes de prix? Ou c'est en termes de facilité d'accès? Ou c'est en termes de protection de l'environnement? Quelles sont les choses qu'il trouve désagréables dans les transactions quand il les fait? Et comment je peux y remédier moi? Quelles sont les solutions que moi j'apporte? Et donc, les solutions que moi j'apporte, il faut qu'elles rencontrent les avantages espérés, il faut qu'elles guérissent les problèmes rencontrés, et il faut que le process que je mets en avant correspondent aux étapes que lui utilise dans sa démarche d'achat. Et alors, si oui, on peut dire qu'il y a fait. Et c'est seulement alors que je peux déterminer comment je vais construire mon image, ben, sur base de certains attributs. Le fait, il y a des attributs où, si vous ne les avez même pas, ça ne sert même à rien de vous adresser à ce client-là, parce que vous ne faites pas partie du jeu, alors. Hein. C'est des attributs considérés comme évidents, tous les concurrents le proposent, c'est le produit générique dans l'image du produit total. Vous vous souvenez? Et puis, il y a des attributs qui vont vous faire préférer aux autres. Et puis, il y a d'autres attributs, peut-être, qui vont faire que c'est là que vous allez atteindre le domaine de leadership. C'est ça qui va faire votre réel différentiel, qui va faire qu'on ne veut plus que vous et qui va emporter la décision du client. Donc, il y a des attributs basiques, il y a des attributs discriminants et des attributs qui vont réellement remporter le morceau. Alors, attention, parce que votre produit, votre service a des attributs positifs et des attributs négatifs. Le fait d'être situé, par exemple, je parlais d'image et de facilité d'accès, on vient de se rendre compte que Blairy Progress Hall, qui est un des concurrents de l'école de commerce Solvay, enfin, on ne va pas découvrir maintenant, hein, a installé à Bruxelles une antenne. Ils ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent, c'est très luxueux, mais c'est situé au Sheraton, c'est-à-dire en plein centre-ville, place Rogier. Donc, bonjour l'accès, bonjour le parking, et bonjour l'atmosphère de travail. Et on s'est rendu compte, en interrogeant des étudiants étrangers, chinois notamment, qu'ils avaient deux choix possibles entre Solvay et Verik, deux grandes écoles. Solvay tout de suite, c'est à côté du bois. Il y a une vue formidable, on a de l'air. On n'aurait jamais pensé à cet attribut-là comme pouvant être un attribut positif. Venez à l'école de commerce Solvay parce qu'elle se trouve en face du bois de la Corne. Ça, on n'y avait jamais pensé. C'est un attribut positif. Le fait d'être en centre-ville, dans les gaz d'échappement, avec pas de perspective, ben ça peut être un argument négatif pour une école de commerce. Vous vous rendez compte? Il vaut mieux savoir ça avant de lancer sa publicité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler pour travailler comme image, comme outil? On va pouvoir utiliser des symboles. Des symboles, ce serait quoi? Ben, ne fût-ce que par exemple, si je suis un magasin bio, la couleur de l'enseigne va nécessairement être vert. Tiens, ben, c'est la symbolique du vert liée à la nature égale bio. Ok? On pourrait utiliser des médias aussi, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire comme communication au travers de Internet, au travers des réseaux sociaux, au travers de la pub, etc. On pourrait organiser des événements aussi. Par exemple, si vous êtes une marque de montres ou une marque de voitures de luxe, organiser un petit tournoi de golf qui met en avant votre marque. Ils adorent ça, les golfeurs, de faire un tour dans la nouvelle Schmurt après avoir fait le 18 trous. Et ils disent plus long de la même manière après. Les atmosphères, parfois. L'atmosphère dans le coin de vent. L'atmosphère d'une chaîne hôtelière. L'atmosphère de Abercrombie & Fitch. Waouh! Ils vendent un produit pas terrible, à des prix plutôt chers, avec un assortiment pas très large ni très profond, okay, avec des produits qui sont pas très très à la pointe de la mode, Mais quelle atmosphère! Et donc, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais beaucoup de gens se rendent dans ces magasins-là, rien qu'à cause de l'atmosphère. Donc, on va examiner progressivement, et les uns après les autres, toute une série de véhicules d'images, et on va commencer par la marque. Mais avant qu'on fasse ça, mes amis, on va se faire une pause. On vendra les symboles aussi, on parlera de l'apparence du produit, on va parler des gens et on va parler de communication. Tous ces éléments sont potentiellement des véhicules d'image. On va commencer par la marque. Alors, une marque, ça sert à quoi? Ça sert à identifier le produit. Non, à identifier le produit de ce producteur-là. Ça cherche donc à se différencier. Et on a tous des marques en tête, comme ça, y compris souvent avec le slogan qui va avec. Vous m'en citez? Pardon? Nike, et quoi, le slogan, c'est Just do it, ok. Arrivo, c'est bon l'appli, ouais. Bon duel, quand c'est bon duel, ouais. Redites-le nous. Kinder Bueno, c'est bon qu'on en devient très méchant. D'accord, ouais. Donc, on cherche à se différencier, l'un parce que c'est bon, l'autre parce que c'est actif, le troisième, bref, c'est systématiquement parce que ça fait référence à un élément de différenciation, un élément de leadership qui lui-même essaye de toucher une fibre en nous. Ok ? Alors souvent, pas de manière très intelligente. Hein? Par exemple, du beau, du bon, du bonnet. C'était une publicité qu'on entendait dans les années 70 énormément à propos d'un apéritif qui s'appelle le du bonnet. Et évidemment disparu depuis lors. Parce qu'avec de la pub comme de ce niveau-là, on ne vit pas très longtemps. Du beau, du bon, du bonnet. On ne sait même pas ce que c'est. Hein. Ça, c'est destiné aussi à garantir sur justement cet élément de différenciation. Avec cette marque-là, vous êtes sûr que c'est le meilleur en vous. Technologie, simplicité, différenciation, prix, whatever. Et la valeur, ça peut être une valeur sociale. Hein, continent insolite dit que vous allez voyager dans des trucs où vous ne pensez jamais que vous pourriez être. Hein, valeur sociale de découverte du monde. Ou fonctionnelle. Fonctionnelle. À l'époque, il y avait avec Sabena, vous y seriez déjà. C'est la rapidité de connexion. Ou une autre garantie contre le risque. Le contrat de confiance. Le schéma de bord. Ou une garantie d'émotion. Club Med, le bonheur, si je veux. Ou garantie d'éthique, des produits équitables, qui s'appelait précédemment Max Havelaar, où l'idée de l'éthique n'est pas nécessairement tout à fait transparente, hein. Sauf si on sait encore qui était Max Havelaar, et plus personne ne sait. Et bien sûr, ça doit véhiculer l'image. Donc si votre image est une image de dynamisme, n'utilisez pas du graphisme gothique pour écrire la marque. Jean-Noël Kafferer est l'auteur le plus connu en matière de brand, en matière de marque, et c'est lui qui dit « La marque, c'est ce qui reste hors d'usine à brûler. » On se souvient que ce qu'il y avait là, c'était ou Linux. Brand, ça vient de la marque qu'on met sur les veaux récemment emmenés dans le ranch au Texas. Vous voyez, au fer rouge, un L penché vers la gauche pour l'identifier. Identifier les biens et services qu'on produit et les différencier des concurrents. Donc, c'est vraiment très important, la marque, elle est un outil d'image et de différenciation. Donc, il y a intérêt à bien la choisir, sa marque. C'est toute la valeur ajoutée du produit qu'on met dedans. Et alors, ça regroupe quoi, une marque ? Ben, ça regroupe un nom. Qu'on a dit là, c'est Nike. Mais comment est-ce qu'on a construit le nom ? Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure. C'est une manière de l'écrire. Nike, c'est une marque de produits de sport. Donc, si on l'écrit avec une écriture qui a l'air paresseuse, ou qui a l'air intellectuelle, ou qui a l'air cocooning, ça ne va pas marcher. Donc, par exemple, Nike, on ne peut pas mettre de l'écriture cursive. Ça ne marcherait pas. C'est incompatible avec l'image qu'on essaie de véhiculer. Une couleur, souvent. Parce que les couleurs disent des choses aux gens. La couleur rouge est dans la passion, ou dans l'agressivité, ou dans le bas prix. Agressivité prix. Et puis, on peut utiliser des symboles aussi. Donc, dans la marque, il y a toute une série de choses aussi. Le symbole en faisant partie, souvent, et le symbole, la plupart du temps, c'est le logo qu'on associe à la marque. Quand vous dites Nike et que vous dites Just Do It, il y a quelque chose entre les deux. C'est quoi ? Le swoosh. Swoosh. Voilà, c'est un symbole. Qui que ce soit qui voit un swoosh, il pense tout de suite Nike. D'ailleurs, vous avez tous téléchargé des applications comme ça sur vos iPhones ou vos smartphones où il faut reconnaître des logos de marque qui sont partiellement cachés et il y a des concours, etc. C'est gratuit, hein. Donc, c'est pour savoir si vous connaissez vraiment les marques. On vous teste, on en sait plus sur vous. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors, quelques règles pour une marque. D'abord, il faut qu'elle soit euphonique, c'est-à-dire « eu » en grec « bien » et « phonein » « sonner ». Il faut que ça sonne bien. Par exemple, « Samara », ça sonne bien, ça sonne clair, ça sonne trompette, ça sonne opéra italien, « Toys R Us », surtout si vous le prononcez à la française, « Toys R Us », ça ne veut plus rien dire du tout. Donc, vous vous rendez compte que cette marque va avoir des difficultés en France. Okay. Déclinable, par exemple. Danone fait Danette, Danone, etc., etc. Il y a un Dan dans tout. Ou Nesquik, Nestlé, Nescafé, Nespresso, Nesti, etc. Elle devrait être facilement identifiable. Quand vous voyez ce coquillage, vous pensez tout de suite, est-ce que j'ai encore de l'essence dans ma voiture ? Oui, mais quel rapport entre de l'essence et un coquillage ? Vous me dites quoi ? Le pétrole, c'est quoi ? C'est des résidus de déchets de vie marine. C'est un produit biologique, en fait, qui est le résultat de la dégradation de tous les coquillages qu'il y avait dans la mer il y a quelques millions d'années. Il n'y a pas beaucoup de gens, vous voyez, dans un auditeur de sang, il y en a un qui pense éventuellement que ça pourrait être ça. Donc, c'est plus nécessairement très prégnant comme image comme logo par rapport à, au niveau de culture d'aujourd'hui. Prononçable. Nike, ça ne s'appelait pas Nike au départ. Hein. Le fondateur s'appelait Knightsbridge. Écrit Knightsbridge. Ce qui tout de suite vous dit que ça va être imprononçable pour les clients. Hein. C'était ce qui était écrit sur les premières choses qu'il avait sorties. Et du coup, il a pensé que Nike, c'était peut-être plus malin. Surtout que lui avait fait des études de grec et qu'il se souvenait encore qu'en grec, Athéna Nike, ouais. Et quoi Athéna Nike, ça veut dire quoi? Ça veut dire Athéna, la victorieuse. Et Nike, c'est la victoire. Alors, en sport, la victoire, ça veut dire quelque chose, hein. Sauf que la plupart des gens ne savent plus que Nike, ça veut dire victoire. Et d'ailleurs, le swoosh vient de là aussi, hein. Le logo. Le swoosh vient de... Et Nike, en grec, la lettre nu en grec, c'est la base du swoosh. Donc c'est un M, pas un V. Mais ça, il n'y a plus personne qui le sait. Non. Qui a fait le grec encore? Nous sommes quand même encore quelques-uns. Bien, ça doit être exportable aussi. Le BIC, au départ, a été créé par le baron Bich. BIC, prononcé à l'allemande. Mais en France, c'est biche. Il y a un but qui s'appelle biche. J'ai pris mon biche en main. Ça ne le fait pas trop. Donc il a changé en biche, parce que c'est plus exportable. Évocatrice. Taïfing. Ça dit bien ce que c'est. C'est un produit de régime. Un produit diététique, monsieur propre, ça dit bien ce que c'est. C'est un détergent. Antical, ça dit bien ce que c'est. C'est un anticalcaire. Donc ça doit être évocateur. Mémorisable. Alors, je vous l'ai cité de mémoire parce que j'ai donné pendant des années, pendant 15 ans, cours à Liège. Et donc chaque fois que je partais vers Liège, donner cours, je passais à Zaventem devant un entrepôt sur lequel il était écrit Van Gotzenhovenstad. Donc je m'en souviens parce que c'est des milliers de passages. Mais sinon, je vous fiche mon billet que personne ne va retenir le nom, le brand de votre entreprise si vous l'appelez de votre patronyme Van Gotzenhovenstad. Surtout si vous l'appelez Jean-Emmanuel Van Gotzenhovenstad, ça ne va pas trop le faire. Donc souvent, les brins sont courts pour être mémorisables. Alors, ça pose parfois des difficultés de choisir une marque. Vous vous rappelez, la Fédération Wallonie-Bruxelles s'appelait précédemment la Communauté Française de Belgique. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de changer ? Pour des raisons essentiellement politiques, pas pour des raisons de communication de brand. Et ça, c'est malheureusement pas une bonne idée stratégique. Ça veut dire qu'il n'y a juste pas de stratégie devant et on amène un truc qui sonne bien politiquement. Je vous en montrerai d'autres. Alors voici quelques exemples. J'ai pris essentiellement des trucs dans le domaine de la voiture, parce que tout le monde les connaît. Vous connaissez la Renault Koleos, c'est un petit SUV urbain, c'est l'équivalent d'une Espace en plus petit. Et donc, ils ont trouvé ce nom sympathique, et ça se vend pas trop mal en France, mais ça se vend très très très mal en Grèce. Il y a des Grecs parmi vous? Oui, ça veut dire quoi en grec? Pardon? Pas vraiment de ce côté-là, du Corse. testicule. Ok. Donc vous êtes dans une voiture qui s'appelle couille. Ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Hein, moi j'ai tendance à dire que plutôt c'est la rière. C'est la rière. Oui. Ah bon, parce que. D'accord. Voilà. Mais on a colos qui veut dire, entre guillemets, vulgairement le cul. D'accord. Donc voilà, ça se vend pas trop bien en Grèce, parce qu'ils n'ont pas fait attention, parce que c'est des Français très autocentrés sur ce que ça pouvait vouloir dire dans une autre langue. Et de la même, c'est le même cas. Mitsubishi qui décide de lancer un 4x4 familial, vous savez, le truc avec des phares de DCA devant. Un bar buffle ou bar éléphant et qui sert à, quand on invite Alain, à aller conduire les enfants à l'école le matin, avec surtout le pneu de secours à l'arrière. Hein, donc voilà, et Mitsubishi a décidé d'en lancer un parce que ça leur manquait dans leur gamme et ils l'ont fait en plus pas cher, bien équipé pas cher, ça c'était leur positionnement. Ils l'ont appelé Pajero, Mitsubishi Pajero, vous connaissez cette voiture hein? Très bien vendu dans nos contrées, très très mal dans les pays hispaniques. Il y a des hispanisants, des espagnols dans la salle? Oui. Oui? Pajero, ça veut dire quoi? Je comprends votre hésitation. Exactement, ça veut dire branleur. Alors le gars qui conduit une voiture branleur, de nouveau, ça passe pas facilement. Connaissent l'ancien grec. Comment est-ce qu'ils ont exploité ça? Je vais vous l'expliquer. Au départ, il s'appelait électrocash. Et donc, c'était du cash and carry, ça veut dire du bas de gamme vendu en entrepôt, pas cher. Puis, on ne faisait plus de marge sur ces produits-là. Donc, ils ont décidé de se repositionner et de devenir cuisiniste. Alors, cuisiniste, il y a déjà des tas de gens qui font de la cuisine et ils ont en fait demandé une agence de com qui a mis l'équation dans un ordinateur, qui a craché un millier de noms et on a choisi celui qui sonnait le mieux, qui ne voulait rien dire nulle part, effectivement, ça ne veut rien dire. Mais il y a un X dedans. C'était une année où pratiquement toutes les nouvelles marques, il y avait un X dedans. Il y avait Action, il y avait Xara, Picasso, il y avait... bref, il y avait un X dans pratiquement tous les noms, en particulier de cette boîte de communication-là. Mais qu'est-ce que ça véhicule comme image, Xina? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom? Qu'est-ce qui vous parle dans ce nom? Le X, ça vous parle? Bon, à propos de cuisine sur mesure? Je ne sais pas. Non, ça ne dit rien. Alors, c'est devenu une marque bien connue maintenant, mais au départ, donc, il n'y a pas de contenu sémantique véhiculé. Nova. Pareil, General Motors invente une voiture qui s'appelle Nova et qui n'arrive pas à fourguer aux Mexicains. Parce que Nova, ça veut dire en espagnol, ça ne fonctionne pas. Et alors, j'aime bien la nouvelle Audi, hein, qui, quand vous le prononcez à la française, n'est pas Audi e-tron, mais Audi e-tron. J'aime bien aussi celle-ci que j'ai vue dernièrement. Alors, vous ne voyez pas, peut-être pas, mais le nom, c'est Tecon. Voilà, c'est en B2B, mais en B2B aussi, c'est important de bien choisir sa marque. Hein, Et alors le pire, c'est celui-ci. Donc la marque, c'est Lay's, c'est le plus gros producteur de chips au monde. Hein. Et ils ont imaginé un chips en forme d'étoile de David, de couleur jaune, et dont le nom est Open Star. Il ne faut pas avoir une culture très étendue quand même. Alors, Mais non, je sais. Est-ce que c'est parce que je vous l'ai expliqué que vous l'avez vu? Parce que je pense que la plupart des gens, effectivement, au départ, l'ont pas vu. Mais c'est quand même un peu fort de café, non? À mon avis, les personnes concernées, tu vois, ont un lien, quoi, tu vois. J'y avais pas pensé. Alors, est-ce qu'il faut vraiment une marque? En plus, j'ai marqué une interédition, il y a un flocon. Est-ce qu'il faut vraiment une marque? Des pommes de terre, c'est jaune. Oui, voilà, c'est ça. Si c'était rouge, ça serait... Ben, c'est pas nécessairement obligatoire. Il y a des tas de gens qui fonctionnent sans marque, et c'est même avec des produits de grande consommation. Est-ce que vous connaissez la marque ISFI? ISFI. ISFI. C'est une marque pas connue. Et pourtant, c'est une marque qui existe. Mais ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils fabriquent des épices déshydratées. Vous savez, du thym, du basilic, de la marjolaine, du persil, de la ciboulette, dans des petits pots. Tiens, exactement comme... Quand vous mettez des épices dans votre spaghetti, c'est du quelle clou. Marque que vous utilisez? Du clou. Ah, vous ne mettez pas de clou. Vous utilisez de la sauce toute faite. Ah. Je crois que c'est du clou, je suis pas sûr. Non, la plus connue, c'est du croc. Cro. D'accord. Du croc qui appartient à qui? Groupe Danone. Pauvreté. Ça, c'est costaud comme groupe. Hein. Il y a une deuxième marque, son challenger, qui s'appelle Libic. Vous connaissez la marque Libic? La marque Libic d'épices, ok. Elle appartient à qui? Groupe Unilever. Oufti. Encore un titan. Alors, quand vous êtes un petit producteur de Nivelles, près de Braine-le-Château, et que vous faites une marque qui s'appelle ISFI, quelle chance vous croyez que vous avez d'être chez Deleuze et chez Colreuil? En un mètre supplémentaire, parce qu'il faut un mètre pour exploser les épices, à côté de Ducros et de Libic, vous voyez une troisième marque ISFI? C'est comme Jones Blair, hein? Jamais, hein? Et pourtant, il y est. Et ça se vend très très bien. Parce qu'ils ont décidé de ne pas investir dans de la pub pour devenir aussi gros que le bœuf. Hein, la grenouille qui veut se faire aussi gros que le bœuf. Ils ont décidé de proposer à Deleuze, on va faire le produit Deleuze. Et proposer à Colreuil, on va faire le produit Colreuil. Et proposer à Carrefour, on va faire le produit Carrefour. Donc ils sont dans tous les supermarchés de Belgique et personne ne le sait sous leur marque. Parce qu'ils ont décidé de ne pas utiliser de marque. C'est pas plus bête qu'autre chose. Hein. Vous pouvez aussi vendre sous la marque d'un autre. Par exemple, acheter mais Intel Inside. C'est un processeur Intel qui a. Donc, on le vend sous HP. Alors, parfois, on rappelle que c'est un Intel, parce que Intel est bien connu. Alors, est-ce qu'il faut une marque par produit ou une marque pour tous les produits? Par exemple, BMW fait une 320, une 520, parce que j'ai arrêté. Une 320, une 520, une 630, une 750, mais c'est toutes des BMW. Alors que vous avez Citroën qui fait une Xara Picasso, une DS, une deux chevaux, une Méhari, une C4. Et c'est chaque fois des noms différents. Qu'est-ce qui est mieux? Ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend qui on est, etc. Donc, comment est-ce qu'on choisit une marque? Ben, ça peut être un nom de famille. Peugeot, c'est un nom de famille. C'est la meilleure des manières, vous pensez? Ben, pour un qui y arrive, et c'est historique, hein, maintenant c'est bien connu, mais c'est très difficile de véhiculer une image avec mon nom de famille. Si je vous dis le produit s'appelle Rasofa, ça ne véhicule pas d'image dans votre tête. Hein. Quand l'autre se nomme Stade, vous dit juste que c'est une consonance flamande, c'est tout. Peugeot, ça ne fait rien à personne. Donc pour un qui réussit dans le monde comme ça, il y en a un. Ford, c'était Henry Ford. Peugeot, c'était Monsieur Peugeot. Oui. Haynes, pour le cas. Haynes, c'était effectivement aussi le nom du fondateur. Mais si vous voulez vendre du plastique extrudé avec comme spécialité, je suis capable de vous le faire de toutes les couleurs que vous voulez, plastique extrudé, n'importe qui est capable de faire ça dans son garage. C'est très simple. C'est des pellets de polyéthylène que vous faites fondre et que vous colorez dans le bain de fusion, et puis vous poussez à travers un moule et ça sort en fil, en plaque ou dans un moule. Tout le monde sait faire ça. Différenciation, moi je fais toutes les couleurs que vous voulez. Alors, il ne faut pas appeler la société et le produit Van der Moel, comme c'était le cas dans une entreprise que j'ai fréquentée il y a quelques années. Et en plus, la carte de visite du vendeur était en noir et blanc. Ça peut être un logo comme le logo de Vipost, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit, ce logo ? Est-ce qu'il est figuratif de quelque chose ? De la com du facteur, ouais. Ça induit un mouvement. Ça induit un mouvement, c'est dynamique. Ok. Donc ça peut induire l'idée de déplacement, peut-être l'idée de rapidité. Donc en soi, il est pas mal finalisé. Mais au départ, c'est le cornet du postier. Qui a déjà vu un facteur avec un cornet ? Ah oui, qui remonte au 18e siècle. Vous avez parlé de la marque Shell, en fait. C'est plus en fait une référence au mercredi de Saint-Jacques, au transport, au mouvement, plutôt que à la répression de... Peut-être. Mais vous voyez, on ne sait plus à quoi ça fait référence, parce que c'est hors de notre schéma, de notre schéma cognitif. Ici, ça fait référence au cornet du postier. Et vous ne savez pas pourquoi le postier peut utiliser un cornet, c'est parce qu'au XVIIIe siècle, la poste, c'était des diligences avec des chevaux qui allaient de ville en ville et de relais postal en relais postal. Et donc, avant d'arriver à un relais postal, on sonnait du cornet, le cocher sonnait du cornet, de façon à ce qu'on prépare déjà les chevaux frais pour changer les chevaux de la diligence pour qu'elle puisse ne pas perdre de temps. Ça ne fait plus du tout référence à votre facteur favori, ça, hein. Et donc, l'idée de garder le cornet, c'est pas nécessairement la meilleure qu'ils aient eue, même si il est dans une dynamique plus forte. Ils l'ont modernisé, c'est ça, je vois plus encore même. Non, exactement. Vous aimez, les logos, on aime ou on n'aime pas. Moi, ce que j'aime, c'est quand ils sont basés sur un briefing stratégique. Hein? Au départ, voici le logo de Apple, au départ. Autrement dit, n'importe quoi. Hein. On voit Isaac Newton en dessous d'un arbre et une pomme qui est en train de lui tomber sur le coin de la figure. Ça, c'était le logo en 1976, Apple Computers. Puis il est passé à celui-là, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était le drapeau gay. Et donc, on l'a un peu blanchi. Alors, vous aimez celui-là ? Et pourquoi est-ce qu'il est si compliqué ? Parce que c'est difficile à reproduire et à mémoriser. C'est difficile. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça comme ça ? Parce qu'au départ, ce n'était pas un produit grand marché, c'était un truc de luxe. Ce n'était pas encore distribué comme aujourd'hui, mais il fallait un produit. Oui, tout à fait. Ouais. Et pourquoi l'entreprise s'appelle Apple ? Parce que tu as été construit dans une grange. Dans un garage en l'occurrence, mais. Voilà, alors Steve Wozniak, qui est l'associé de Steve Jobs, okay, travaillait à ce moment-là chez un producteur de pommes pour financer ses études. Et donc, ils étaient payés en partie en pommes. Et donc, comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, tous les jours, ils bouffaient des pommes. Donc, la première chose qu'ils ont vue autour d'eux dans le garage, quand ils ont dû trouver un nom, c'était des pommes. Il y en avait partout, des pommes. Et du coup, ils l'ont appelé pomme. Donc, rien à voir avec Big Apple, rien à voir avec Isaac Newton, rien à voir avec la science et la première loi de Newton, qui est la loi de la gravitation universelle, rien à voir. C'est juste par hasard. OK ? Mais après, ils se sont dit, c'est pas plus con, c'est un logo simple à retenir, tout le monde aime les pommes, c'est pas plus bête de continuer à utiliser la pomme. D'accord ? Et alors pourquoi, sous cette manière-là, ben c'est des Amérlocs. Et les Amérlocs, ils aiment bien ce genre de dessin, de gravure à la plume. Ça fait très western, ça fait très wild west, ça fait très new frontier. New breeze is coming. Donc, discovery, pioneer et toute cette sorte de choses. Pour nous, en Europe, ça veut juste rien dire. Okay. Ça peut être un engagement. We try harder. Vous connaissez celui-là? C'est Avis. Avis qui était numéro 2 sur le marché derrière Hertz et qui dit, comme on est numéro 2, on fait plus d'efforts pour vous servir. C'était pas con parce que comme ça, ils sont devenus numéro 1. Ça peut être le produit lui-même. Coca-Cola, il se vend lui-même. On reconnaît la bouteille de très très loin. Elle a une forme évocatrice. Entre parenthèses, là, la fibre qu'on essaie de jouer, c'est quoi? Le sexe, hein? La forme de la bouteille est parlante tant pour les hommes que pour les femmes. Classic 21, c'est rock classic. Le produit, le service le dit lui-même. Ça peut être une baseline comme Just Do It. Une baseline, c'est quelques mots qui soutiennent la marque. OK ? Et qui doivent vous faire penser à la même chose. Ici, on est dans l'action. OK ? Alors, j'aime bien celle-là. C'est une baseline qui a été inventée, je ne sais pas par qui d'ailleurs, mais que vous avez certainement déjà vu, hein, quand vous revenez de vacances par la E411, en passant par Luxembourg pour aller prendre de l'essence, puis vous passez la frontière, vous savez, c'est là où ça commence à pleuvoir, vous passez la frontière, quelques kilomètres plus loin, vous ne pouvez pas ne pas tomber sur ce panneau-là, qui vous dit une ardeuse d'avance. Ça véhicule quoi, ça? Avec un logo, hein, qui est quoi? Un sanglier pixelisé. Donc quand vous le voyez, vous n'êtes pas sûr que vous l'avez bien vu. Et qu'est-ce que ça dit au chauffeur qui conduit son camion de mandarine depuis la Sicile jusqu'à Amsterdam? Fais gaffe, il y a des sangliers qui traversent. Quoi, hein. Et l'ardeur d'avance dans cette affaire? Est-ce que c'est une bonne baseline? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça? Est-ce que la province de Luxembourg peut être considérée comme ayant un positionnement de leadership technologique? Qui fait le rapport entre ardeur et Ardennes? Les Ardennais, probablement. Parce que, et qui sait, parmi tous les gens qui fréquentent une autoroute comme la E411, que le sanglier est le symbole de l'Ardenne, pas la province du Luxembourg. Hein. La province du Luxembourg, c'est un écu rayé de bleu et de rouge et de blanc, avec la couronne du roi de Chine. Alors, si vous voulez un conseil, en baseline, vous arrêtez de faire des jeux de mots. Les calembours joie, les jeux de mots lait, ça ne marche absolument pas. comme disait Victor Hugo, le calembour, c'est la fiente de l'esprit qui vole. Et quand il dit la fiente, ça veut dire c'est la merde. Hein. Parce que le calembour, ça, c'est un mode de pensée typiquement franco-franchouillardo-français. C'est la seule langue dans laquelle on fait des calembours. Et alors quand en plus le calembour est basé sur un truc que personne ne connaît, comme c'est quoi les Ardennes, et pourquoi ardeur, et pourquoi sanglier, je crois que ça doit être le résultat d'un repas un peu trop arrosé entre ministres qui ont dit « Aidez, moi j'ai une bonne baseline, tu sais, une bonne baseline. » La baseline, ce serait Ardennes, ardeur. Une ardeur d'abord. T'as compris, là ? Ardennes, ardeur ? Franchement, ça dit quoi à qui ? Hein ? Ça, c'est quand il n'y a pas de briefing stratégique. Quand on ne sait pas ce qu'on veut dire, à qui et pourquoi. Alors, on fait des baselines comme ça. De nouveau, évitez. Hein. Ça peut être des icônes, vous aurez tous reconnu. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait, Eva Longoria ? Voilà, c'est Eva Longoria égale L'Oréal. Ou bien Robert, vous reconnaissez tous Robert. Ça, c'est une pub faite par la Croix-Rouge française. Voilà, ça, c'est humour. C'est marque d'esprit. Humour à la française. C'est pas de l'humour, c'est de l'esprit. Vous reconnaissez celui-là ? Et celui-là ? Et celle-là ? Ah, vous la reconnaissez, celle-là. Bien, elle se fait passer pour Robert. Attends. Et alors le français franchouillard, il va penser Robert. Ben oui, Robert. Évidemment, Robert. Hein? Les fameux Robert de cette dame, quoi. Vous voyez cette affiche pendant une seconde et vous devez avoir tout compris. OK ? De nouveau, c'est poussé très, très, très loin. La finesse de raisonnement. C'est fait par, pour, de et avec des intellos. Le problème, c'est que ceux qui le lisent ne le sont pas. Vous en êtes la vivante preuve. Et pourtant, vous en êtes. Mais même vous, ça vous échappe. Caramba, encore raté. Ça peut être des couleurs, une marque. Vous avez vu comme le M est passé de fond rouge à fond vert. Exactement, pour vous faire croire que le bœuf que vous mangez, il a été élevé de manière écologique. Et que c'est bon pour la santé aussi. Hein. Et que c'est bio, la salade, en l'occurrence. Et on va pouvoir faire les Jeux Olympiques après en avoir bouffé, bien sûr. Ça peut être une typo comme celle de ST Dupont. De loin, on la reconnaît tout de suite. Cette écriture de ronde, on sait tout de suite que c'est ce fameux objet d'orfèvrerie. Ça peut être une culture et des valeurs. Ça, c'est une pub faite par Steve Jobs dans les années 80-90. La référence. Ah oui, quelle est l'icône en l'occurrence ? Ah, il y en a même qui ne reconnaissent pas le Dalai Lama. Donc pour les valeurs, c'est déjà pas gagné, même auprès d'intellectuels. Ça peut être un uniforme aussi. Ça, vous connaissez ? Quelqu'un reconnaît ? Il y en a un qui connaît au fond, mais qui n'ose pas le dire. Alors c'est Hooters. Et Hooters, c'est quoi ? Ouais, c'est un sport bar destiné à quel type de public ? Des camionneurs, quoi. D'ailleurs, au départ, l'uniforme n'était pas comme ça. Hooters, c'est un hibou. Hein. Hooters, c'est un hibou. Et donc, il y a deux grands O qui figurent les yeux du hibou. Et au départ, les deux grands O n'étaient pas au même endroit sur le t-shirt. vous laisserez aller voir sur Internet ce que ça peut donner. Mais on reconnaît tout de suite le bar, rien qu'à ça. Ça peut être un cours de bourse aussi. Hein. Ça peut être un jingle. Vous entendez ta-na-na-na-na. Vous dites, ah, il va encore une pub pour Xina. Xina, hein. Si vous avez des enfants, vous chantez ça à longueur de journée. Ça peut être tout ça à la fois. Le tout, c'est qu'il faut que ce soit cohérent avec l'image que vous voulez véhiculer, évidemment. Et pas le contraire, ou des choses à côté, ou des choses que les gens ne comprennent pas. Ah non, mais quand vous, quand vous entendez les cours de bourse à la radio, on vous dit Fortis, autant. Et c'est donc le brand qui vous pénètre dans la tête, et positivement ou négativement, en fonction de son évolution. Et donc, quelles sont les caractéristiques qu'ont toutes les marques qui peuvent être considérées comme fortes? Ben, on va voir au fur et à mesure. D'abord, il faut qu'elles soient positionnées, focalisées et différenciantes. Donc, il faut qu'il y ait une cible et qu'elles apportent une différenciation. Ça, c'est essentiel. Pour que ce soit clair, je me sens faire partie de la cible ou pas. Et je sens cette différence dans ma marque, ou pas. Donc j'ai une personnalité distincte, j'ai un nombre restreint de choses auxquelles je peux être associé, parce que si vous dites que vous êtes tout à la fois, ce ne sera pas crédible ou on ne va pas le retenir. Clarté pour le consommateur. Qui peut me citer des marques qui ont un positionnement très clair, très simple et très focalisé? Pardon? C'est positionné avec quelle image? Leader en. Non. C'est le deuxième appareil. Oui, oui. Leader en quoi? Tout le monde vend des appareils électroménagers. Confiance. C'est le mot confiance qui va apparaître le plus souvent. Mais manifestement, pas suffisamment clairement pour vous. En voici un qui est clair. Même si le nom n'est pas nécessairement très bien choisi. Ça veut dire quoi, Andy? Ça vient du nom de famille des propriétaires qui s'appelle Albrecht. Donc c'est Albrecht Distribution. D'accord, ils veulent mieux s'appeler Andy. Ça s'appelle De nouveau, quand vous vous implantez dans un pays, surtout si vous le faites par rachat d'une enseigne existante, vous vous posez toujours la question, est-ce que je mets mon enseigne ou est-ce que je garde l'enseigne qui fonctionne déjà bien? Par exemple, quand les Américains de JCPenney ont racheté Sarma, ils ont préféré garder Sarma plutôt que de s'appeler JCPenney, JCPenney, que personne n'aurait compris, alors que c'était une marque établie depuis des lustres. Donc, on se pose chaque fois la question, est-ce qu'il vaut mieux changer de marque ou pas? Par exemple, Van den Bosch n'appartient plus à Van den Bosch depuis... attendez, j'avais 15 ans quand Van den Bosch a fait faillite, donc... ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Et je connais bien le fils. Et le fils, il n'est pas dans les produits ménagers. Et il est dans les cuisines maintenant. Mais concours de circonstances. Mais donc ça s'appelait Van den Bosch quand Darty l'a racheté. Non. Le premier qui l'a racheté, c'est Bosch. Bosch, marque connue, mais marque connue pour des perceuses, pas pour de l'électroménager. Donc ils n'ont pas changé de nom. Puis ça a été racheté par Electrolux. Electrolux fabriquait un aspirateur. Donc là, ça aurait pu marcher. Sauf que Electrolux, c'est une marque suédoise qui est forte en aspirateur, mais pas du tout en four à micro-ondes. Okay? Donc ils ont gardé aussi le nom. Puis ça a été racheté par Darty, qui s'est dit, on fait la même chose, Darty il est bien connu en France. Oui, mais Darty n'est pas du tout connu en Belgique. Van den Bor est une marque vraiment bien belge, ancrée dans la mentalité du Belge. Donc on ne va pas changer. Et maintenant, ça vient d'être racheté par la Fnac, qui a décidé qu'ils n'allaient pas acheter, à appeler ça, Fnac Electro. Hein. Donc ils ont gardé encore le nom Van den Bor. Vous voyez que quand une marque est forte, on préfère ne pas la changer, parce qu'elle est déjà bien implantée sur son marché. Et, oui. Pourquoi est-ce que Jeter a changé de nom, en fait? Bonne question. Je leur ai posé et ils trouvaient que ça faisait trop référence à leur métier ancien, c'est-à-dire leur métier de tour opérateur, alors qu'ils veulent se développer maintenant en bypassant les agences. Mais tui, pourquoi ce nom-là? Ils n'ont pas pu vraiment m'expliquer. Et il y a comme ça beaucoup d'exemples de changement de marque où on change de marque juste pour se faire plaisir. Hein. Pourquoi Peridaiza est devenu Paradisio est devenu Peridaiza? Je crois qu'il n'y a personne qui a compris, à part bon. Bah, il voulait changer le. Est-ce qu'ils ont dû changer de nom? Peut-être, mais ils auraient pu l'appeler Paradiso alors. Ou, mais pourquoi Peridaiza? Je ne dis plus rien. De la même manière, quand vous avez. Quand vous avez une fusion de deux entreprises, l'une s'appelle Société Générale de Banque, son marché essentiel c'est les familles riches et bourgeoises pour la gestion de fortune, et vous avez une autre banque super connue, super bien efficiente sur son marché, qui est le marché du petit épargnant qui cherche à épargner de l'argent pour construire sa maison et pour faire des carnets d'épargne pour ses enfants. Deux marchés complètement opposés, avec des spécialités complètement opposées, qui fusionnent et qui deviennent Fortis. Qui dit quoi à qui? Fortis, ça dit quoi? Ça ne veut pas dire plus fort. Fortis, ça veut dire courageux. Mais non, Fortius, ça veut dire. Fortis, ça veut dire courageux. En quoi est-ce que le courage a quelque chose à voir avec les banques? Ben non, justement. Et ben, voilà quelque chose qu'ils n'ont pas encore bien compris. Alors que parfois, ils avaient des noms très évocateurs. Caisse générale d'épargne et de retraite, ça dit vraiment quelque chose. Donc voici Aldi, focalisé prix. Ok? Colored de la surprise. Voilà qui est simple à comprendre. Ok? La constance aussi. On martèle tout le temps sur le même clou, sur la même valeur, sur la même chose. Et donc, partout, tout le temps, on a le même brand. C'est par exemple une règle pour ceux qui vont peut-être travailler chez Coca-Cola. Chaque fois qu'une personne de Coca-Cola discute avec une personne hors Coca-Cola, il a une obligation, c'est d'avoir le pin de Coca-Cola à sa boutonnière, et une bouteille de coca ou une canette de coca en main. En permanence. Et donc, la communication est permanente, constante et caractéristique supplémentaire, systématique. Par exemple, pendant des années, Eurostar, c'était humour à l'anglais. On rappelle l'Angleterre par quelques personnes symboles, par quelques images iconiques, hein, comme Rowan Atkinson, hein, ou qui court, mais il n'est pas encore prêt de devenir king, lui, et que ça fait longtemps qu'il court. Ou le bon vieux Elton. Et donc, humour et Angleterre. Constance. Des valeurs aussi. Des valeurs comme valeur de simplicité, ou valeur de durabilité, ou valeur de écologie, ou valeur de esprit d'entreprise, etc., etc. Elles contiennent des valeurs qui sont susceptibles d'être partagées par la cible, évidemment. Ok? Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître les valeurs de la cible. Donc il faut avoir fait la description de la persona, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour savoir quelle fibre il faut faire vibrer. Voilà un exemple, c'est une pub de 448. La valeur de solidarité par rapport aux handicapés. De nouveau, avec un gimmick qui fait appel à plus de l'intellect, c'est la comparaison avec d'autres pubs qui n'ont pas les mêmes valeurs. Vous comprenez ce que je dis là ou pas? Ok, c'est une pub, pourquoi ça? Pardon? Pour de la lingerie, pour les... Ce soutien-gorge push-up que certains utilisent, c'est pas vous. Donc voilà, c'est une parodie, si vous voulez, mais celle-ci axée sur des valeurs. Entre parenthèses, la personne en question est une des employées de l'agence de pub. Et elle est vraiment comme ça. Enfin, comme ça, habillée. La plupart du temps. En tout cas, dans sa vie professionnelle. Et puis la systématique, ça veut dire que ce brand, il doit passer à travers tous vos systèmes, à travers tous vos procédures, à travers tous vos processus, à travers toute votre communication, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur les pubs, à la télé, à la radio, dans votre logo. Tout doit passer de la même manière, de la même systématique. Alors ça peut fonctionner. C'est le cas de Keytrade, par exemple, qui est une banque en ligne, ou c'est le cas de Partenay. Partenay qui... vous connaissez ça, Partenay? C'est le nom d'une ville en France. Qui connaît cette ville en France? C'est dans la Charente-Poitou. C'est-à-dire le département le plus paumé, le plus perdu de la France. Il n'y a que des moutons, des frais salés et des marais. Ok ? Partenay est une ville. Comment voulez-vous attirer des habitants à Partenay ? Pas évident, hein ? Alors Partenay a décidé d'être la ville la plus internetée du monde. Tout ce qui se fait avec l'administration à Partenay se fait par Internet. Vous voulez une nouvelle carte d'identité ? Par Internet. Vous voulez un certificat de bonne VME ? C'est par Internet. Et donc, voilà, c'est un service à la population, mais ils sont arrivés à se faire connaître comme ça. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour visiter Partenay, la ville internetée. Et puis, pour que ça marche, pour que la marque soit forte, enfin, c'est une des caractéristiques de toutes les marques fortes, c'est la connexion émotionnelle, faire vibrer une émotion. Faire vibrer une émotion qui peut être, ben, comme toutes les émotions dont on parlait tout à l'heure à propos du Desmond Morris et du Naked Eight, c'est sentiment d'appartenance, c'est protection, c'est parentalité, c'est survie, c'est sexe. Et c'est aboutissement de soi, réalisation de soi. Alors voilà un exemple bien connu, c'est l'émotion bonheur, plaisir de vivre, et plutôt plaisir de vivre ensemble, pas isolé. Hein? C'est chaque fois des photos de groupe, hein, que vous voyez presque. Donc voilà une illustration, c'est une marque assez puissante, très connoté émotivement. Mais voici un exemple de com, très connoté émotivement aussi, qui peut très bien marcher dans du non-marchand. Ça colle bien, ça. Des symboles. Le plus connu, le plus typique des symboles, ce sera évidemment le logo. Mais les symboles font appel à vos cinq sens. La vue, bien sûr, à travers les logos, mais aussi l'ouïe, le toucher. Qui peut me citer des symboles qui sont liés à l'odorat? Pardon? Abercrombie, absolument. Il crée une partie de l'atmosphère avec le fameux... je ne sais pas comment qualifier ça. Oui, on dit parfum, mais enfin bon... C'est plus une odeur, disons. Un remue. On peut acheter le parfum dans le magasin, oui. Absolument. C'est souvent la seule chose qu'on achète chez eux. Donc l'odorat, oui, d'accord. Il y a un exemple plus classique. Un liquide pour vaisselle ne peut fonctionner que s'il sent le citron. Parce que tout le monde sait évidemment que le citron, ça nettoie. Oui ? Exactement. Le citron, ça ne nettoie rien du tout. Hein. Ça ne nettoie rien du tout. Ça apporte du sucre. Donc ça nettoie rien du tout, le citron. Mais tout le monde pense graisse, donc acide, pour dissoudre, donc citron. Parce que le premier acide, nous dit, on pense, c'est le citron. C'est plutôt le citron. Et donc, si vous voulez la vaisselle propre, il faut que ça sente le citron. Il n'y a pas de citron dedans. Hein. Il y a éventuellement de l'arôme citron. Très facile à faire. Il y a un magasin de vêtements pour enfants, comme ça, qui diffuse de l'odeur de bébé. Non, mais je vous rassure, on n'écrabouille pas des bébés dans un papier. C'est un mélange chimique, d'huile d'amande douce, des choses comme ça. Et il n'y a pas une maman qui résiste à ça. Donc, elles restent plus longtemps dans le magasin, donc elles achètent plus. Après le toucher, le symbole du toucher. Quelqu'un peut me dire une marque qui fait appel au toucher? Pardon? Soupline? Oui, il y a la symbolique de... Absolument, la symbolique du teddy bear, hein, du petit ourson, qui nécessairement est quelque chose de doux. Et oui, absolument. Mais là, c'est encore au travers de la vue qu'ils le font. Hein. L'Oréal ou Adèle Soudain? Oui, et en quoi le toucher? Dans les pubs, c'est toujours... D'accord, mais de nouveau, c'est la vue qu'on sollicite chez vous. Hein. Par exemple, les yaourts, la laitière tradition. L'emballage, il est comment? En verre, hein. Pas en plastique. Hein. La laitière tradition, ça ne va pas avec le plastique, donc l'emballage est en verre. Et quand vous le prenez en main, c'est comme du yaourt de ma grand-mère de dans le temps. C'est ça l'idée. Si vous allez chez Nature et Découverte, plus maintenant parce qu'ils viennent de rénover le magasin, mais précédemment, en entrant, vous étiez sur du carrelage dans le shopping center et tout à coup vous entrez sur de la pierre brute, bleue, à peine dégrossie, ça fait naturel, et du coup vous entrez dans un monde de nature, en le sentant par les plantes des pieds. C'est un deuxième effet de merchandising qui fait que vous ralentissez votre pas. Aussi, hein. Puisque le coefficient de frottement est plus élevé, et donc vous restez plus longtemps dans le magasin quand vous achetez plus. C'est surtout pour ça qu'il le fait. Le goût, un dentifrice pour enfants, ça doit être à la fraise. Il n'y a pas la moindre fraise dedans, évidemment. D'ailleurs, si on lui donne une fraise, il ne reconnaît pas le goût du dentifrice. Donc ça n'est pas bon, en fait. Et Louis, les jingles, oui. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles, le bruit de la portière qu'on referme. Si la portière fait clang, vous dites voiture de pas très bonne qualité, ou plutôt bas de gamme. Non, on ne dit pas bas de gamme, en marketing, on dit entrée de gamme. Et si la voiture fait quand vous la fermez, ça fait tout de suite autre chose. On sent l'étanchéité, on sent l'ajustement parfait de la mécanique, hein, on sent la protection. Ça, c'est de la, les Allemands passent des heures en laboratoire avant de fabriquer la porte de votre VOE parce qu'elle doit faire des backlines. De nouveau, Oui, voilà, ça marche, hein. Ça fait appel à tous vos sens. Voilà toute une série d'exemples. La bouteille de coca qui a la forme d'une silhouette féminine, hein, ou d'autres choses pour les âmes. Le papier à lettres que vous recevez, ou la carte de visite que vous recevez de quelqu'un, si elle est sur du papier pas couché, du papier faiblard, écrit rien qu'en noir et blanc, ça ne fait pas trop. Dès que c'est un petit peu plus épais, embossé, avec un grain et de la couleur, tout de suite, ça dégage une autre impression. Donc, voilà tous des symboles qu'on utilise beaucoup dans la communication et qui favorisent le développement d'images. Et les locaux bizarres, quelle heure il est ? Moins 2, alors on a le temps. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, celui-là, c'est le meilleur. Ouais. Oh. les amis.